Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute ah façon. Ah oui, oh non, il boit, j'ai raté. Ah, là. Comment allez-vous? Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis un buveur. Hein, je suis un buveur. C'est vrai que c'est un buveur ce mec. C'est le 20e podcast, un millième. Arrête, un milliard. Arrête, pyjama. Attends, moi je devine, c'est le 428e. 200 et quelques plus. Ouais, décevant. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Première fois peut-être en 10 ans qu'on m'applaudit. Ah, c'est vrai. À l'Olympia, t'as pas. Ah non, dans le. Là, c'est vrai qu'à l'époque où tu me présentais comme invité, oui, les gens t'applaudissaient. C'est vrai qu'on m'applaudit. Et quand tu baises aussi, les gens t'applaudissent. Oui. Franchement, non. Ah, si, moi j'applaudis tous les soirs à 20h. Moi aussi, à 20h. T'applaudis beaucoup dans le vide. J'applaudis encore les médecins, moi, personnellement. Ouais. Adrien, comment ça va? Ça va. Il fait très beau. Non, mais il fait beau. Non, mais faut le dire. Il fait très beau et en plus, on va donner l'adresse. C'est. Ouais. Trop con, ça. C'est ça. Et c'est au-dessus. Ah, ouais, donc c'est vraiment. Pas ouais, raté. Ok. Et en fait, il fait, c'est vrai, très beau. Ouais. Maxime Achir. Oui. Non, alors. Oui. Ouais, non, mais après. C'est à demi-mars glacé. On peut couper. Attention. Mais en plus, on dit des gens. On les Pourquoi a même pas présentés. Hashtag les gens. Oui, les gens, ils nous en font voir. Notre premier invité est streamer. On le retrouve parfois solo ou avec d'autres membres de la Cacabox. Il a érigé le flop au rang d'art parfaitement maîtrisé. En 2024, il va faire Bercy et sa JDC. Tu vois ce que c'est la JDC ou pas? Ouais, la journée des contribuables. Mais non, la journée d'appel, mon pauvre ami. Nous, c'était la journée d'appel à notre époque. C'était pas la journée d'appel, toi. Moi, c'était la guerre. Tout simplement la guerre. C'était tout simplement la guerre froide. Bon, là, c'est Grim Cujo, bravo. Ouais. Grim. Attention qu'il floppe pas trop dans l'émission. Oh non, imagine il ferait ça. Dommage. Imagine il ferait ça, le mec. Le flop cast. Je peux être dédoublé le roi 2. Bah. Attends, déjà moi, déjà. Ouais. Ouais, et bah moi je suis vrai. Notre. Pardon, vas-y. Bah merci de l'invite. Bah avec plaisir, Grim. Et bonjour. Bah ouais, bonjour. Alors il a floppé. Non, mais ils vont faire la pub les deux là. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça. On peut même être poli en vrai. Je veux juste savoir si c'est une urne funéraire à côté de moi. C'est pas grave si c'est le cas. C'est mes juste deux parents mélangés. Ouais. Mais c'est pas grave si c'est là. Je vérifie. Non, y'a rien. Non, y'a rien. Non, c'est. Qui ressemble vachement à une urne. De l'art raciste. Ok. De l'appropriation culturelle. Ouais, ça y en a un petit peu ici. Y'a le contrat d'Hollywood dedans là. Oh, ça, attention, Grim. Attention. Notre second invité est streamer, présentateur et comédien. Vous l'avez peut-être vu sur YouTube dans une vidéo où il serait avec Jilcy en feat, vu qu'il en a fait 43 depuis janvier. Il présente l'émission Zen depuis 3 semaines. Ça va se finir à Bercy, l'Accor Hotel Arena. Et franchement, c'est trop une dinguerie de faire ça. Oh, c'est Maxime Biaggi. Oui, la ref elle est énorme. Assoul. La ref elle est énorme. Comment Bonjour. Ça va, Maxime? Oui, ça va super. Et toi? Ça fait très plaisir de te recevoir. Non, mais par contre, je précise, on est quand même très bien reçus ici. Ah oui? Donc merci beaucoup. On a eu un petit café de la merde dans les carafes. Bien sûr, ça, évidemment. Merci pour ça. Oui. L'année de chrome. Merde dans les carafes, merde dans les carafes. Ohé, ohé. Tu sais qu'une fois, t'as fait un floodcast où tu disais j'ai le froc plein de merde. J'ai le froc plein de merde. Je me casse pas les couilles. Ouais. J'ai cette chanson dans la tête. Alors, je l'ai pas écoutée depuis qu'il est sorti. Ça fait, je pense, des années. Ouais, des années. Je l'ai dans la tête. Franchement, une fois par mois, et sans te mentir. Ça me fait très plaisir. Bah, sache que je suis sûrement pas le seul. Non, mais je suis. Ouais. C'est j'ai le froc plein de merde, me casse pas les couilles. J'ai le froc plein de merde, me casse pas les couilles. C'est de qui? C'est de Flo. Ouais. C'est une chanson qui t'a touché d'une certaine manière. Elle m'a touché. Elle a fait écho à un truc. Elle a résonné en moi. Oui, voilà. T'as un lien à la merde, non? Non. Et j'aime pas spécialement me chier dessus, mais quand non. ça m'arrive, j'en garde un bon souvenir. Ça t'est arrivé dans la vie? Non, jamais arrivé. Alors, quand t'étais petit, bébé enfant, quand t'étais petit, ouais, un bébé normal. Aussi. Ouais. Aussi. Il arrive parfois de se chier dessus. Et alors? Et de se chier dessus. Il y a une nuance. On peut se chier sur des parties du corps, on peut se chier dans le froc. C'est pas les mêmes choses. C'est pas la même. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, je dis ça. Sans vraiment savoir, je suppose. Oui. On est dans le domaine de l'imaginaire. Si on imagine que voilà, tu penses que tu vas juste péter, tu mets ta main et là, bam. T'as une pépite de chocolat, mais ça, c'est des trucs qui arrivent. Peut-être. Ouais, ouais. Peut-être à des gens, on sait pas. Je sais pas. En tout cas, ce n'est pas une news du Floodcast que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'on va jouer aux news du Floodcast? Voilà, donc je sais pas les si. Vous connaissez. Pas dingue en vrai. T'es un DJ. Je suis un DJ, je suis Bob Sinclair. Sans le savoir. Avec ces figurines là. Comment? Les causes. Grim imite très bien David Guetta pour le coup. Ah, Quoi? Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Guetta, George Floyd, R.I.P. et shout out to his family. C'est un happening là que vous avez. J'aime ça, c'est Zen partout, même hors de la maison. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? C'est la première fois que j'ai mis Guetta de ma vie par contre. Bah tu l'as, t'as nailed it mon pote. C'était un banger si vous voulez mon avis. C'est pas pour moi, c'est une masterclass, un epic brew moment. C'était quoi ce poulet? Sans le savoir, un homme atteint de triphalia a vécu avec une anomalie sur son corps. À votre avis, laquelle? Attends, c'est quoi juste, la triphalia? Ah, ok, d'accord. Ouais. Bah oui. Triphalia, bah c'est il a trois cerveaux. Non. Non, il a trois. Attends, phallus, il a trois pénis. Trois couilles. Il a trois pénis. Il a trois pénis. Oh, bonne réponse. Un trident. C'est comme ça qu'on le surnomme en soirée. Mais il pisse comment? Bah c'est, alors je vais tout te raconter, Grim. Bah oui, parce que c'est un peu la loterie quoi. C'est genre, c'est à gauche. Ah mince. Non, il ne savait même pas, dites-vous. Un homme de 78 ça, ans. Ça se voit. Bah, ouais, justement, vous allez voir. C'était deux très petits de part et d'autre du. Tu vas voir, je vais te sous les couilles. Non, mais sous les selles. Dans le dos, donc il a jamais vu, tu vois. Mais gars, tu sais que t'as deux pénis dans le dos. Quoi? Tu sais que t'as une table? Bah arrête. Il croyait qu'il transpirait beaucoup. Vous êtes cons, les gars. Il pissait du dos, le mec. Un homme de 78 ans souffrait de triphalia. Quoi? Non, mais. Quoi? Il pissait du dos le mec. C'est pas assez bien pour toi? C'est ça, Adrien? Si, si, c'est génial. C'est mépris. On la coupe, celle-là, de toute façon. Oh non. Donc, oui, sans le savoir, il a offert son corps à la science. Et c'est en commençant l'autopsie, lors il avait des pénis internes. Tu vas voir, ouais, exactement. Que des étudiants en médecine. Arrête de me dire, tu vas voir, en fait. Ça commence à m'énerver. Juste montre-moi au bout d'un moment. Dis-moi oui, juste tout simplement. Si j'ai bon. Et on enchaîne, quoi. On est déjà une heure, c'est bon. On a coupé trois quarts d'heure de dérapage, donc là, les gens, pour, c'est 10 minutes pour Maxime eux. Maxime a 8 payword déjà, donc c'est assez chiant. Ouais. Se sont rendus compte qu'il avait devant eux un cas de triphalia, une affection qui touche un homme sur 5 à 6 millions. Donc c'est quand même très rare. Dans une loterie. Ouais, exactement. Dans certains cas, les appendices supplémentaires peuvent être visibles à l'œil nu, comme dans le premier cas jamais documenté de l'histoire de l'humanité. C'est un nourrisson de 3 mois né en Irak en 2018 qui avait été relaté dans l'International Journal of Surgery. Il avait été opéré à l'époque pour supprimer les pénis supplémentaires, parce que c'est un petit peu ennuyeux d'avoir trois pénis. Je sais pas. Dans le second cas. Peut-être pas, bah non. Peut-être pas, peut-être c'est cool. Dans le second cas connu par la science, c'est de cet homme âgé en Angleterre, les deux pénis supplémentaires, plus petits que celui venu, étaient à l'intérieur du scrotum. Voilà. Exactement. Oh. Eh oui. Il avait deux bites dans ses couilles, un peu. Il avait les bites dans la couille. Il avait les bites dans la couille. Non, mais en vrai. Oui, le bonheur sur le visage de Maxime. Oui, là, j'ai. Si, si, c'est bien ça. Si, si. Le pénis principal mesurait 70 mm. Eh ben, combien? Mais en autre un peu. Vous appelez c'est un pénis de bébé là? Non, bah non, et 24 mm de large. C'est 7 cm, on est d'accord? Oui. Ouais. Donc au repos, c'est pas. Bah non, c'est pour ça. Ouais, c'est rikiki quoi. Arrêtez. Au repos, c'est bon. Mais c'est les Camerounais, c'est bon. On est en France ici. Aïe. Mais on peut dire 10 ans de floodcast. Bah nous, c'est la saison trop de toute façon, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, putain. On est 4. Moi, on m'a envoyé un DM pour dire que j'étais devenu la pire version de moi-même. Il fallait que t'arrêtes et qu'il fallait te reprendre. Ah, qu'il fallait que je me prenne, oui. Bah, je suis désolé, j'étais énervé ce jour-là. Une nouvelle mode. Alors là, je sais qu'on parle. Un petit fanat de mode. Attention, de attention. Là, quand il y a un défilé, il est là. C'est là pour le meilleur et pour le pire. Ouais. C'est fou de cette image, alors que j'ai fait deux défilés dans ma. Arrête. Non, t'es toujours fait, très looké. Gros, tu as l'image du youtubeur qui a percé récemment qui met les sables de luxe. Ouais, malheureusement. Genre, qui va chez Nusret, du coup. Non, même. Pour reprendre. Ouais, un peu. En vrai, un peu. En vrai. Mais en fait, t'es pas le seul, mais je pense que t'as pris cette image. Un nouveau riche, quoi. Je vois. Alors que. Non, mais c'est fou de penser que je suis nouveau riche alors que je suis né vraiment blindé, quoi. C'est vrai, déjà. Ça, c'est vrai. On est propriétaire en Corse depuis toujours. C'est vrai. Non, mais parce que ça se voit un petit peu plus aussi. C'est ça. Par exemple, Squeezie, il met un t-shirt blanc. Le t-shirt blanc coûte 1 800 €. Ouais, c'est vrai. Ça se voit pas sur le truc, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais. Ouais, les petits sweats Casa, là. J'ai croisé par hasard dans la rue ce mec. Des sacs quoi il avait dans les mains? L'OEV. Boss mon pote. C'est parce que j'ai juste le boss en fait. Mais je sors avec une styliste en même temps, j'ai pas le choix, j'ai une pression énorme sur les épaules. Évidemment. Elle voit des gens bien habillés. Au moins tu tentes, des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Comment ça? Non, mais. Alors, on va parler vite fait de Grim parce que lui il a une DA différente. Non. Lui sa DA, c'est qu'il ne s'habille qu'en gratuit. Donc, par exemple, aujourd'hui. Ça je respecte plus. Voilà. Aujourd'hui il est, je pense, 100% gratuit. Alors, non. T-shirt Lacoste envoyé gentiment par Lacoste. Non, oui. Pantalon. Vous faites vos placements de produits dans notre podcast en fait. Parce que moi, quand j'avais votre âge, je portais des t-shirts, des shorts Narmol. C'était quand même autre chose. On l'a vu le paillasson. Pantalon Uniqlo. Ah, que t'as payé. Payé. Ouais. Chaussettes dépareillées. Ouais. Noir et blanc. Mais dépareillé que t'as payé. Ça, c'est pour le style un peu. Que j'ai payé. Non, non, c'est Lacoste. Ah non, il y a une paire chaussette Lacoste. Bon, une que j'ai reçue. Une que j'ai reçue et l'autre que j'ai achetée. Ok. Chaussures. Parce que j'ai vu en promo sur Camino TV à 48 euros. Oh là là. Caleçon Freegun offert par ma copine. Ah, tu portes du Freegun toi? Non, mais elle m'a offert un caleçon loup qui est moche et pour la blague. Ah, allez. L'animal le loup, non, pas la BD de Julien Neal. Ah, waouh! Wow. Je suis sponsor par loup aussi. J'ai joué dans le film loup. Exactement. C'est vrai? Il y avait un film? Ouais. T'as joué qui? J'ai joué un petit rôle, rassure-toi. Littéralement loup. Ouais, le film n'a pas été. Le mot qui se tend s'arrête jamais. Ça a été un échec peut-être à cause de ça. Je jouais loup. Et donc la question que je vous pose, c'est une nouvelle mode a été remarquée dans la dernière Fashion Week. À votre avis, laquelle? Une tendance, quelque chose? De faire des vlogs? Non. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Schiaparelli quand même, il y a eu Louis V, il y a eu Balenciaga. Attends, une nouvelle tendance quoi? Une petite tendance qui se dessine. Sur les est-ce que c'est sur les vêtements? C'est sur les vêtements. Ok, ça aurait pu être. Oh, je sais pas. Oui, c'est pas la musique. Mais je l'ai. Le retour au skinny. Ah, alors c'est pas ça que j'aime, mais peut-être tu as raison. Parce que c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que ça revient quelques mois. Oui. Bah là, le skinny, tout le monde disait le skinny jean, c'est moche. A raison. Et là, du coup, il y a certaines marques qui reviennent à ça. Pour beaucoup, chez les femmes, pour le coup. Oui, évidemment. Les, ouais. Évidemment. Ok. Donc, c'est le diable. Tu es devenu le diable de Tasmanie. Non, est-ce que c'est justement c'est un retour d'un truc qui existait avant ou c'est vraiment un nouveau truc? Non, moi je trouve. Bah moi c'est un nouveau truc. J'ai jamais vu ça. Toi qui es expert de. Moi qui suis actuellement en train de porter effectivement des choses à valeur de 15,50€. Ah, donc c'est un vêtement. C'est plutôt le haut du corps ou le bas? Plutôt le bas du corps. Le bas du corps, des chaussures? Non, les jupes, pantalons, un truc dans lequel on pourrait se chier dessus, par exemple. Voilà, un pantalon. Okay, exactement. Une main, les jupes pour hommes. Une main. Un gobelet. C'est pas les jupes pour hommes. Non, c'est un pantalon. C'est un pantalon. C'est un pantalon. C'est un pantalon. Ok, c'est un pantalon. Extra large. Transparent. Pas transparent. Pas extra large. Réversible. Pas réversible. Ah, est-ce que c'est la matière qui est particulière? C'est pas la matière. Heureusement qu'ils sont pas réversibles, parce que pour moi, par exemple. Ouais, ça serait très mal vu. Ah oui, voilà. Donc là, tu joues à fond la carte du mec qui se chie dessus. C'est la carte de l'émission. C'est une carte qui est peu tentée dans le showbiz en plus. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. La carte du chier, quand même, c'est un truc. Quand même dessus. Ça va mener des rôles, hein. C'est le truc où vous me dites, mais pourquoi tu racontes pas l'anecdote et tout? Je dis, bah j'aimerais pas que les gens se disent, il se chie dessus, le gars. Ouais, ouais. Peut-être que tu pourrais être dans Feynman si tu continues avec ça, peut-être. On sait jamais. Feuille de PQ, man. Ouais, oh. Ah, c'est fort, putain. C'est pas moi qui m'applaudis. C'est Adrien qui m'applaudit. Non, non, c'est Adrien qui m'applaudit là. Il trouve ça génial. Quoi? J'ai mon téléphone dans les mains. Tu vois quoi? Non, donc c'est pas la matière, la forme. Le nombre de poches. Alors, on s'approche sur le nombre. C'est pas les poches. C'est un nombre de quelque chose. C'est pas il y a trois fermetures claires pour les gens qui sont le nombre de jambes. Il y a une jambe en plus. Ah presque. Merde. Il y a deux jambes. Il y a qu'une jambe. Une jupe. Alors, c'est une jupe longue. Une jupe très serrée. Non, skinny. Une jupe skinny. C'est un peu ça. Ça prend que une des deux jambes et l'autre jambe est nue. Enfin, ou alors il y a un petit franchement, short. Franchement, c'est pas énervant, je trouve. Du tout. C'est pas énervant. En cette Fashion Week printemps-été 2025, on a repéré des pantalons à une jambe. Une folie stylistique qui fait son effet sur le podium. Tout commence chez Louis Vuitton. Sur le podium, les tenues élevées multiplient les références historiques retravaillées par le créateur et abordent des pantalons à une jambe. Donc, l'autre mais dessine à une comme jambe, mais où il y a quand même la deuxième jambe. Mais la jambe est nue, quoi. Ouais, c'est ça. La deuxième jambe short. Est en. Ouais, c'est un c'était pas en hiver. Ah, d'accord, quoi. Je croyais que c'était les deux jambes dans la même. Ah, okay. Comme le matin quand tu t'habilles un peu vite. D'accord, par oui, non, je crois on que c'était ça. Ce et qu'après, ouais, bah oui. C'est un moment de fou, ça. Ça me rappelle Squid Game, moi. C'est au moment où tu mets une jambe et tu chies dedans après. Arrête avec ça. Excuse-moi, pardon. L'effet, celui d'une jambe jupe fendue, effectivement, qui se serait refermée sur elle-même. On est dans l'hybridation totale, nous dit ce magazine. Pas du tout énervant. Bah. C'est une jupe, c'est un short. Non, c'est un pantalon à une jambe. On est plus chez nous de 15 ans. Vous comprenez pas, vous êtes bête. Vous êtes tellement bête de pas comprendre. C'est un peu comme tu mets la jambe par-dessus la couette quand t'as trop chaud, quoi. C'est ça, je mets un short ou je mets un pantalon? Bah, je mets mon pantage short. Mais c'est dans ton podcast, Adrien, les pantalons, ça. C'est ton sur YouTube. Dessus. Et sinon, c'était chez Coperni à Disneyland. Effectivement, Amélia Gray a aussi proposé ça. Une pantalon. Attends, il y en a deux qui ont proposé le même truc en même temps. Bah, c'est pour ça, c'est se dire que c'est une nouvelle tendance. Ouais, il y en a un qui a copié. Là, oh là là là, il met du là. Les mecs, ça va pas être drôle ce passage, mais j'ai appris un truc de fou. Moi. Vas-y, on est là. On n'est pas là que pour rire. Hein. Ma copine m'explique, je lui dis comment c'est possible qu'ils se mettent justement d'accord sur les tendances comme ça. C'est pas possible de d'avoir la même idée. Oui. Ouais. En fait, il y a des trucs qui s'appellent des carnets de tendances. Où, genre, en 2010. Il y a un gros carnet qui sort avec écrit en 2011 la mode faut que ce soit les skinny, en 2012 c'est ça, et jusqu'à 2030. Et ils ont tous le même truc et il se base là-dessus. Mais du coup, c'est pas du tout. C'est pas inspiré du tout. Du coup, je les respecte encore moins. Du coup, c'est vraiment. Parce que il y avait un semblant d'inspiration. Je vais me faire tuer par les gars qui connaissent vraiment et tout. Mais non, mais c'est pas exactement ça et tout. Mais il y a un truc qui s'appelle les carnets de tendance où vraiment c'est. Voilà, en 2018, c'est ça. Qui écrit ça? Un organisme. C'est toi, Flo? C'est ChatGPT. Un Français travaillant dans un centre d'appel s'est fait virer pour un motif clairement un peu léger pour justifier ce licenciement. À votre avis, lequel? Il a imité Homer Simpson. Mec. Mais gars, c'est une blague. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est en lien à Homer Simpson. Non, mais arrête. Il a mangé des donuts. Oh là, oh là. Oh là, oh il le tient bien. Oh là là. Arrête. Coupez-le. Lève les deux bras en même temps. C'est un donut, j'en veux pas alors. Si c'en est pas un, je veux dire. T'es avec ton fils là, Homer. Bart a 30 ans quand même aujourd'hui. Hein, c'est... Oh non, c'est... Quel enfer. C'est pas bien. Ah, attends, oula. Hey, Homer. C'est mort là. On a toute la famille. Non, non, mais ils sont tous. Maggie. Oui, Maggie. Oh, si, oui, bien joué, bien joué. Donc c'est lié à Homer Simpson, c'est quand même fou, t'es oui, ça au milieu de nulle part. Bizarre. Mais ok, c'est lié à Homer Simpson. C'est lié à Homer Simpson. C'est pas les donuts. C'est pas les donuts. Il était jaune. Non. Oui, en fait, ça va être un faux avis parce que vous avez cherché, mais. Est-ce que ça a un rapport avec l'épisode où Homer il met des photos de sa fille? Non, rien à voir. Okay. Do it for her. Bien. Il travaillait pas assez. Il était que sur. Il regardait des épisodes en boucle. Alors, c'est pas ça, mais c'est lié à un truc de. Il a été viré pour. Attendez, je vais vous dire. Il est sur le téléphone, ce mec-là. Une entreprise de centre d'appel. Effectivement. Okay, ah, il limitait Homer Simpson. Tu veux dire la première réponse que j'ai donnée? Ouais. Non. Limiter Homer Simpson. Très bonne réponse de Maxime Bachida. Bien joué. Tu l'as mieux. C'est vrai que je l'avais mal dit. Tu l'as pas dit comme ça, toi. Ouais, non, ouais, j'ai vrai. Ouais, non, j'avais non, pas non, mis il une a... pause au milieu de la phrase et tout. Donc c'est pas, il a pas imité Homer Simpson. C'est pas ça qu'il a fait. Attends. C'est pas. Est-ce que c'est lié à une caractéristique connue de Homer? Il faisait le gimmick de mots. Quand il se l'a les canulars téléphoniques là. Ah non, il disait pas les ça, salut, salut. Ah non, ça c'est Ned Flanders. Est-ce qu'il imitait le personnage principal de la série Les Simpsons? Tu veux dire Homer? Oui, par exemple. Non, non, ah, non, mais bien tenté, ça aurait pu être ça. Est-ce qu'il disait oupi Ned? Non, pas il ça. Il disait trop. Non, bah là, ce serait imiter Homer. Et ok, si, c'est bon, j'ai compris. Okay. Il imitait pas Homer, d'accord, j'ai compris. Il imitait pas Homer. C'est ça la réponse? C'est ça, bonne réponse. Ils ont dit, attendez, vous êtes pas en train d'imiter Homer là, on est à centrale d'appel. Je vais juste vous virer là. Faites-le là. On en a fait des embauchés pour ça. Quand vous le faites, c'est trop marrant, faites-le. Homer Simpson, le téléphone. Oh oui. Sonne le téléphone. Necfeu. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non, est-ce que c'est lié à une caractéristique connue de Homer? Il s'est peint comme Homer? Non, il s'est pas peint en jaune. Est-ce que il s'est pas peint comme Jean-Pierre? Oh bah, mais c'est fou ce mec, mais quoi? Mais je l'ai pas. Ah oui, Jean-Pierre bah, t'as moins de 45 ans. J'ai le double de ton âge. Okay. Bilan, vous avez quel âge? 33 pour ma part. Moi, je pense que c'est pas la peine de. Non, 44 moi. Grim a ouvert grand. Grim a écarquillé. Faut pas vous dire mieux, il a écarquillé les yeux. Enchanté. Voilà. Non mais. Et donc toi, c'est toi, double. 23. Ah ouais, j'ai presque le double. Ouais, aïe, aïe. Tu les fais pas, hein? Bah merci. Bah non, attends. Alors, ouais, moi, je les fais plus que lui, ça qui est terrible. Je fais plus vieux qu'Adrien, non, alors tout qu'il tout a ça, râlé. Tous les deux très beaux. Tous les deux très beaux. Franchement, on est tous beaux. Sur le temps de la table. Franchement. Merci. Des fois, les vêtements, c'est pas ça, mais. Ouais. Sur un. Mais pourquoi sur un? Alors, enlève tes yeux de moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, je parle pas de toi. Ah, Max? Quoi? Alors, bah, attends, mais s'il parle pas de moi. Attends, tu parles non, pas de Homer. Moi. Attends, il imitait Homer le mec. Ah oui, il imitait pas Homer, non. Ah, il imitait okay, non, c'est ça que je voulais dire. Ah, okay, non, pardon, oui, okay. Il imitait pas Homer du tout. D'accord. Peut-être Homer s'habillait comme Maxime. Non, non, pas du tout, rien à voir. Non, mais Homer Simpson, dans la culture populaire récente, il était connu pour quoi? C'est un très mauvais. Il étranglait les clients. Non. Il est toujours absent. C'est pas être absent du travail. Centrale nucléaire. C'est un truc qu'il a fait, je peux vous donner un petit indice. Que Homer a fait dans un épisode? Non. Enfin, d'une certaine manière, jette pas, ça pas m'a les saoulé, ça m'a saoulé. Tout simplement, aucun lien avec Homer Simpson. C'est des chips? Ouais. Ouais, elles sont délicieuses. Ah, alors, juste les mange pas dans le micro, sinon les gens vont devenir fous. Ouais. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Mais quel gourmand. Regardez. Oh, il est sympa. Oh, il est sympa. Mais c'est le plus sympa des deux, finalement. Non, je sais pas. C'est vrai que t'as cette image-là, toi aussi. Ouais. Que Max est pas sympa. Et ouais, moi aussi, j'ai ça. C'est un peu moi le pas sympa du duo. Bah, attends. Tu trouves pas? Ah non, c'est là, toi le pas sympa non, du duo. C'est pas moi le gentil du duo. C'est pas. Attends. Non, mais je sais que tu l'es pas. T'as vu? Mais les gens le pensent. Oui. Alors non, que moi, non, moi que... je fake pas le truc. Non, mais tu vois, ouais. Au moins, il est méchant, il le montre, tu vois. Ouais, y'a pas de différence quand tu me croises en vrai. Derrière, tu dis pas, ah bah putain, en vrai, t'es. Mais les gens te préfèrent, ça tu le sais quand même. Non, mais ça oui, mais c'est pas pareil. Ah voilà, non, mais voilà. Les gens, ils préfèrent Maxime ou Grimm, c'est la question que je vous pose. Largement moi. Vu le résultat des élections, j'imagine que Grimm. Voilà. Vu les résultats des élections. Le temps est pas bon pour nous en ce moment. Voilà. Très bien. Non mais voilà, mais c'est ça que je voulais dire. Oui, les gens te préfèrent, mais c'est moi le gentil du duo. C'est ça. Voilà. Mais donc on est d'accord qu'il a juste répété, c'est pas moi le gentil du duo. Oui, j'ai compris. Je suis gentil pour que les gens ils disent, mais non, c'est toi le gentil. Adrien, il précise bien que j'ai un très grand appartement, que je réussis très bien ma vie. Donc les gens, ils préfèrent Adrien parce qu'ils sont genre, ah mais on est un peu comme lui. Ah, il fait pareil. Grimm fait pareil. Putain. Oh mec, on est tellement ensemble. Grimm qui se blinde la gueule. Il a plus d'argent que moi. Oh là là. Il fait tellement. Le premier truc, je te jure que c'est vrai. Non, c'est faux. Adrien, je te supplie, demande-nous de te montrer maintenant notre compte bancaire. Non, c'est quand même... Tu vas être choqué. Montrez-moi. C'est possible, mais il est 100 fois plus dépensé et que attends, moi. Et je vous dis un truc, hein. Je monte le compte pro. Je fais pas comme les gens qui disent non, mais mon compte perso. Non, non. Oui. Le vrai compte où il y a de l'argent. Je monte le compte pro aussi alors. Mais c'est des frais. Non, mais ça va me déprimer. Par contre, j'ai 44 ans. Je suis pas sûr, Adrien. Je précise, hein. Je vis dans un studio personnellement, seul. Je suis au fin fond du 93. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Pas mal, je suis content de rétablir la vérité. Ça me déprime. Sachez qu'il y a 25 000 d'impôts qui arrivent. Non, mais je m'en bats les couilles. j'ai déjà oublié combien t'as. Oui, 90, donc t'as beaucoup plus. Ouais. Ok. Et le premier truc qu'il dit en arrivant, c'est oh oui, moi, vous savez, les habits, c'est Uniqlo, j'ai les chaussettes des il fait le mec. Il fait le mec un peu pauvre. Comme ça, il devient le gentil. Il est moins dépensier, c'est tout. Non. Qui est le plus radin des deux? Est-ce qu'il y a un radin? Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de radin. Non, okay, en vrai, bon, il y a pas, on est tous les deux assez généreux au resto et tout. Pas du tout, tu veux revenir là en. Alors, j'y pensais même pas, je te jure. De quoi? Non, parce qu'on a un running gag qui est mais faux, hein, pour dire que Grimm est radin, mais c'est totalement faux. Non, c'est que. Non, mais t'as des chaussettes dépareillées, il y a un truc bizarre. Non, mec, c'est il est tellement radin. Pour le coup, ils sont tous à la machine. Je suis pas radin, juste, je suis économe. Oui, frérot, tu vas au Franprix? Putain, tu peux m'acheter une pasta box, mon gars. Ah, c'est pas la même chose, c'est. Ah mais c'est pire gratteur. Pardon, hein. Ouais, non, un peu gratteur. Non, oui, c'est faux. Je fais pas ça. Non, moi c'est par exemple. Si je rentre en métro, je suis en mode, j'ai pas envie d'acheter ce ticket, je fraude. Je vais le frauder. Ah, oui. Rappelez-vous ce qu'il y a sur le compte. C'est devenu très stylé d'un coup. Pour moi, t'es plus anti-système pour moi. Ouais. Vous m'avez toujours pas dit pourquoi qu'est-ce qu'il a fait avec Homer Simpson. Homer Simpson récemment dans la pop culture, sur le web par exemple. Il s'est fait. Ah, le mec, il était contre une haie et il s'est enfoncé dedans là. Ah, c'est le même. Ouais. Alors, c'est autour du même Homer Simpson. Mais ce même là? Oui. Alors, dégueulé dans le micro, excuse-moi. Pardon, Grimm. Grimm, tu l'as dégueulé dans le micro. J'aime bien si je lui dis, mange pas les chips dans le micro parce que c'est. Après, Max, pas de soucis, je vais vomir à la place. T'inquiète. J'ai jamais fait ça chez Kian et Navo, Grimm, tu le sais très bien. J'ai dit connard, je crois, une nuit de donc ça va ça. Bah en fait je vais vous le dire, vous non, êtes mais vraiment attends, pas on va loin. Trouver là. Adrien, je pense qu'il imitait un personnage. Et tu sais que j'ai reçu un DM d'un gars qui me disait franchement merci de dire à Flo de pas dire la réponse et tout parce que nous aussi on aime bien chercher et tout. Ah ouais. Je tiens aussi à préciser un autre truc en disant c'est la première fois que quelqu'un me dit ça donc je pense qu'en vrai je vais chier tout le monde. Donc sur la masse c'est ouais c'est et j'en ai rien à foutre. Wow. C'est ma seule source de joie de la semaine de jouer là. Donc on va trouver. Est-ce qu'il imitait Homer Simpson? Donc il disparaissait donc ça non, c'est pas lui, même, non, c'est non, lié à ce fameux même. Mais ce même c'est décevant en fait, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Il a lâché dans les buissons. Non. Il appelait, il faisait un bruit de feuille au téléphone. Non, c'est il est chiant là le quiz, merde. C'était sur Teams et il a tout simplement montré sa bite. Non. Il avait mis le même en arrière-plan, il avait mis le même. Ouais, enfin il avait partagé le même pendant une conversation sur Teams. C'est tellement ouais, je le savais moi. Ça fait peut-être 3 quarts d'heure quoi sur un truc. Franchement, je regrette d'avoir insisté pour. Et c'est viré pour ça. C'est un peu ça quand même. C'est triste quand même. Pour Léon Letton, c'est son vrai nom. Ah, tu le doxes en plus, c'est bien. C'est sur le Parisien. Mettez sur LinkedIn et aidez-le quoi. Pour Loan Letton, la pilule est dure à avaler. Son licenciement remonte au début du mois d'octobre, mais la colère et le sentiment d'injustice sont toujours aussi vivaces. Faut outer l'entreprise plus que le mec en fait. Bah, c'est Concentrix, ah, oui. Mon pote, localisé à Compiègne. Okay. Non, mais t'as toutes les infos. J'ai tout moi. Loan Letton qui n'est pas de Lettonie. Oh. Ou le frère de Jared. Et bien sûr. Allez, Maxime Tidlac sur Letton. Qui ne connaît pas Léon et Stone. Et c'est pas le frère de Samuel. Eto. Samuel. Eto. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Pas mal. Capitale de la Lettonie. Letto. Rome. Rome. Rome. Ah non, tu... ah, c'est un vrai quiz. Oui. T'es fort en capitale. Pas spécialement, mais je la connais. J'aime bien. J'aime bien. Ah, c'est Tallinn, je crois. Ah, je crois. Ah, j'ai vu, chez Hugo Décrypte, François Civil est méga fort à GeoGuessr. Et ah ouais. Bah, j'ai trouvé ça un peu stylé. Ah ouais. Non, il fait vraiment comme les geekos. Il a pas un travail, lui. Il a pas un défaut aussi. Ah, mais oui, c'est vrai que très fort énorme. En géoguesseur, c'est les meufs, c'est pour ça qu'elles le kiffent, je crois. Je pense c'est oui, pour mais ça. C'est un truc en plus. Tu vois, tous les mecs un peu moches comme nous, ils doivent se dire ouais, ouais, il est peut-être beau, mais comme, bon, comme. Dans la tête, il y a rien. Sur la grille, ouais, ouais, non, Max, franchement, il y a eu un vrai glow-up. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est un truc qui s'appelle la célébrité, tout simplement. Oui, il y avait des cheveux longs, non, mais on connaît. Il y avait des cheveux longs. Ils sont en train de t'allumer depuis tout à l'heure. Je suis 100% d'accord. Ok, c'est bon, c'est honnête. Je suis 100% d'accord. Allez, insulte-le là, un peu. Vas-y, insulte-moi. Je suis 100% d'accord avec vous. Allez, dis-lui. Adrien, par exemple, il glow up aussi. Ici, ça glow up autant. Jusqu'à 44 ans, on glow up encore. J'ai maté des sketchs Golden Moustache quand t'es moustache. Oui, oui, mais là, le crâne. C'est super. Donc, en fait, il a juste partagé ce gif pendant une réunion. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'il voulait simplement détendre l'atmosphère. Il était là genre, je fais quoi? Je poste un petit mème. Après, vous... moi, patron, un mec, il poste un mème, je le vire. Ouais. Pour moi, mise en demeure. Ouais, hein. Si c'est pas drôle, drôle. Tu trouves que c'est un mème un peu daté? S'il avait dit, par exemple, oh, excuse-moi, c'est Laurent, pendant les reprises. Excuse-moi pour la réaction. La promotion, là. Et peut-être que le patron, il a fait ce mème-là. Ouais, c'est ça, il s'est dit que c'était. Mais en gros, là, le truc, c'est que, parce qu'à la base, c'est le patron qui disait, c'est pas le patron, mais pendant la réunion, les RH disaient, ouais, on va vous payer un peu plus tard. Là, il disait en fait là. Je pense aux couilles. La bite dans la couille. Il pense à la bite dans la couille. Les bites dans les couilles. Parce que je me dis, il y en a deux, donc une dans chaque couille. Pardon, non, je sais pas pourquoi ça m'a eu, moi, ça. Non, non, mais il y a un ordre des bites. C'est pas possible d'appeler le podcast comme ça. Non, ça va pas marcher sur les plateformes. Ça celui-là, là, pour le moment, c'est. La bite dans la couille, ça marche. Là, ça passe très bien. Les bites dans les couilles. Les bites dans les couilles. Une bite dans chaque couille, quoi. C'est vrai que c'est bien. Non, bah moi j'aime bien que ce soit bien carré, bien c'est ordonné. Efficace, c'est symétrique. Une bite dans chaque couille et les vaches seront bien gardées. Exactement. Oui. Et alors vous aviez prévu de faire quoi dans la vie s'il n'y avait pas eu Twitch? Oh. Est-ce que vous auriez fait un. Tu faisais des études de quoi, Grim, par exemple? De buzz. pas loin communication. Mais t'avais des cours de buzz? Non, c'est pas des cours de buzz. J'avais des études de campagne qui faisaient le buzz. Ah ouais? Donc t'étudiais les buzz qui fonctionnaient. C'est ça. Non, mais en vrai, j'avais des cours de pub quand même. Du coup, il y avait quand même la publicité, la réalisation de comment les pubs à l'ancienne années 80, elles attiraient l'œil du spectateur. Du coup, c'était un peu intéressant parfois. C'était beaucoup de branlettes. Oui, j'imagine. J'ai retenu SWOT et Pestel. Et c'est quoi? Pestel? SWOT, c'est Strength pour les bilingues, force. Ouais. Weakness, ouais. Faiblesse. Ouais. Opportunities. Et threat, menace. Oh, en gros, ça, bah, tu prends une marque, tu fais son SWOT, tu prends ses forces, faiblesses, les menaces et les opportunités. J'ai l'impression qu'on est dans Légende. Je suis Guillaume Play. Tu as tué 8 personnes, Maxime, la semaine dernière. Je vais faire un festival avec Potatoes là. C'est un petit happening qu'on prépare. Oui. Toi, Maxime, t'avais prévu quoi? C'est de la merde. J'ai fait. En fait, non, c'est pas de la merde les études, mais j'avais aucune ambition. Non, non. J'ai fait des études de journalisme, mais vraiment ça me plaisait pas de fou quoi. Okay. J'ai fait une école de théâtre, puis des études de journalisme, mais vraiment dans le vent quoi. Enfin, je savais pas du tout où j'allais. T'avais même pas le truc un peu cool des fois de la fac ou des études de. Je commence à être adulte et je rencontre des gens qui commencent à être adultes. Alors, et l'ambiance est cool. Je crois on fait chier Adrien. Adrien s'est barré. Ouais. Adrien s'est barré et j'entends bien. J'avais un peu ce truc là de la liberté et tout. Surtout que moi, vu que j'étais en Corse, c'était synonyme de je monte à Paris française, tout seul, oui. habiter à Paris tout seul, machin. Donc ce côté là était génial. Ouais. Le côté être journaliste. Oui, ça t'a. Pas le moins du monde. Non. Moi dans ma tête, je me disais non mais je monte à Paris pour faire du journalisme et je vais cumuler les castings et je vais en avoir plein et tout. Okay. Je crois que j'ai jamais t'avais eu un casting. J'ai jamais quand eu même un casting. Ce plan dans ta tête. Ouais, c'était ça le plan qui n'a pas marché. Ouais. Mais c'est ça le plan. Attends, mais si t'as pas eu de casting, comment t'as eu le rôle de serveur là? Alors c'est dans le seul belle maman. C'est le seul casting que j'ai presque eu. J'étais casté même, pour un autre rôle. OK. Gros, plus gros. Ils ont dit t'étais sympa et tout, mais pour le rôle, non. Mais cool. Tu peux faire le serveur si tu veux. Ah, donc cool. J'ai eu, on va dire, la moitié du casting. Ouais, pas mal. C'est la seule fois. Non, toutes les autres fois, c'était des petits trucs ou des copains. C'est pas mal. D'ailleurs, tu as aussi loupé le casting de Noulé-le-Roi, je crois. J'ai loupé les castings de Noulé-le-Roi. Bah, un serveur également, mais je voudrais pas trop le dire devant Adrien. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Toi, Adrien, t'avais prévu quoi? Tu voulais faire de la. Wow. Parce que t'as commencé dans le dessin. Toi, les écoles, c'est quoi? C'était encore homme, garçon et fille séparés? C'est ça. Hey, ça me fait pas rire ça. Hey, t'as vu ça un peu, là, non, parce que j'ai failli faire une blague et je l'ai pas faite. Non, mais si j'avais prévu, à quel moment en fait? Bah, avant, toi, c'est le dessin qui a été ton premier. Ouais. Travail un peu bah voilà, artistique. Du coup, non mais avance. Oui, mais regarde. Ah ouais, avant bah ça, avant... Non, en vrai, moi je voulais un peu faire. Je voulais faire un BTS communication visuelle. Donc pub, mais genre plus dans le côté mise, enfin graphisme, illustration et tout. Oui. Mais j'ai vraiment pas assez bien fait mes études pour pouvoir accéder au BTS. Donc j'ai changé de voie. Mais à la base, moi j'ai fait des études de. Alors à l'époque, c'était un mot qui existait, multimédia. Oh. Audiovisuel et multimédia à la base. Bien sûr. J'apprenais à faire du After Effects, des sites. Je faisais du Flash à l'époque. Pas mal. Oh, wow. Voilà, une technologie qui n'existe plus. Et comment ça se passe le moment où t'arrêtes les études, tu sens que ça te plaît pas et tu commences à bosser, tu bosses dans quoi du coup? Golden Moustache. Non, moi j'ai fait de l'illustration en fait. Ah, direct illustration. Ouais. En fait, quoi, dessin? Ouais. J'étais sur le but d'illustration. Ouais. En fait, j'étais illustrateur et auteur de BD avant de faire. Ah, incroyable. Voilà. Plein de livres pour enfants. Pendant 7 ans à peu près. C'était toi, j'ai cherché sur Vinted des livres pour enfants pour ma fille. Sur quoi je tombe? Meignelout. Ah bon? Bah, il y avait des livres pour enfants Anatole. Ouais, mais c'est. Ah oui, j'en ai écrit. T'en as écrit, mais il y avait Adrien Méniel et tout. Le hasard était marrant. Ah oui, t'es en place. C'était marrant. On peut encore trouver au Fnac, peut-être par ce par là. C'est un buzz, ouais, c'est un buzz. Tu t'aurais pu m'étudier à l'époque. C'est quoi ce poulet, quoi? Toi, t'as fait des études? Moi, j'ai fait audiovisuel, moi. Ok. Mais j'avais fait la fac. Cinéma, toi, fac de ciné. Alors, ouais, fac de ciné. Études cinématographiques audiovisuelles, ça va annoncer ça. Ouais, mais attends. Parce que je pouvais pas aller dans une école. Mais toi. Ça, c'est le gaucho à bobo, à gogo. Bah ouais, il y avait. Est-ce que tu penses que. Le gaucho à gogo. Le gaucho à gogo. C'est bégayé sans qu'elle faire. Est-ce que tu penses que t'es dans le Hall of Fame de ton école? Est-ce que tu penses qu'ils ont mis un mur avec ta photo? Ils ont retiré ton maillot, genre. Ouais, ouais. Non, il y a un mec plus connu que moi dans le game de YouTube, puisque j'étais à la fac avec Chichounet, moi. Chichounet. Mais oui, c'est fait des trucs sur YouTube où il critique des jeux vidéo en les achetant. Ah oui, oui. Tu penses que t'es moins connu que Chichounet? Non, en termes de buzz, c'est pas mal ce qu'il fait. Il a le million d'abonnés sur YouTube, par exemple. Mais c'est une fac de ciné. Ouais. Oui, ouais, c'est vrai. T'es quand même, t'as fait une école de ciné, il t'en sort réalisateur. C'est vrai. On peut le dire, à succès. Oui, oui, ça va. Qui va faire Evil Dead. Merci, merci. Non, mais ça fait plaisir. Moi, dans mon Hall of Fame, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a Pascal Praud. Ah! Dans mon école, ouais. Dans ton école de journalisme. Dans mon école, c'est Pascal Praud qui était là et tout le monde était en mode, un jour je serai là comme lui. Attends, dans mon école, des fois, il y a Enjoy Phoenix qui a fait une conférence, mais j'étais pas là. Ah merde, t'as raté ça. J'ai raté ce banger. Pardon, je t'ai coupé, je suis désolé. Non, mais attends, il y avait pas un truc, un running gag où il y en a un qui a fait des études de je sais pas quoi là dans Non, j'ai fait un bac montagne. Oui, voilà, oui, voilà. C'est ça. On se moque de moi pour ça. C'est normal en Corse. C'est un bac US. Après, on a deux bacs de con. Il a bac montagne, j'ai bac Covid, quoi. Oui, bon. Ah oui. D'accord. Oui, non, ouais, j'ai fait un bac ES quoi, économique. T'es si jeune. Non mais montagne. Comment ça mais montagne. En fait, il y a quand j'ai redoublé. Il y a des options au lieu de prendre option italien ou je sais pas quoi, j'ai pris option montagne. Mais c'est vraiment l'intitulé de l'option, c'est montagne. C'est le bac montagne. C'est vraiment l'intitulé exact. C'est devenu le bac Kaizen maintenant. Ouais, c'était le bac montagne. Et c'est juste tu fais des randonnées, tu dors en montagne, t'apprends à lire la carte, à cueillir des trucs, à te repérer. C'est trop bien. C'est juste génial. C'est un bac un dossier quoi avec les plantes, les machins qu'on a vus, les randonnées. C'est trop bien, c'était juste génial. Junior. Parce que moi j'ai fait option anglais renforcé, c'est-à-dire qu'il y avait tellement rien en option dans mon beaucoup lycée. Moins de matière, on remet anglais, on remet la même matière. Je fais option maths. Oui, donc tu vois, c'est vraiment juste hilarant. les barres que je me suis tapé. J'avais même pas d'option moi. Ah bon. Mais toi t'as fait ES. T'essaies de nous faire chialer, c'est S. ça qui ouais, ça. Mais tu sais que maintenant c'est fini. Alors, ça fait vraiment le truc. Oui, ils sont plus ça les jeunes. Oui, je sais. Ah oui. Tout est simplifié maintenant. On comprend plus rien, mais c'est Macron et ses sbires. On leur donne le bac maintenant, de toute façon. On parle de tard l'époque. Ouais. Tu nous as cook. En ça. Il est tellement boosté, t'es boosté. T'es en pétard sur le podcast. Là, c'était le moment où vous les abonnez. C'est le moment où je connais pas les expressions. Je suis genre, ouais. Là, c'est celle de maintenant. Ah ouais, là, vous êtes à le prochain podcast, ce sera plus bon. Ah oui, ce sera plus bon. C'est vraiment maintenant, on est boosté, on est très bien. Ta gueule. Oh, pardon, Laurent. Oh là là. Oh Laurent. Excuse-moi la réaction là. C'est dingue. Spotify, donc ce n'est pas Spotify. Spotify va ajouter un nouveau service à sa plateforme. Les livres audio. Putain, il est fort. Bah, est c'est fort. Sorti, hein, vraiment. Oui. Il est juste condescendant avec nous. Tu n'as plus envie d'être là. Quand je te parlais de l'année de trop, bon, oui, voilà, oui, là, oui. Vous sentez. Il y a une ambiance qui s'est dégagée. Excuse-moi, fils de pute, c'est sorti. Là, tu bosses ton émission de merde, espèce de trou du cul. Non, mais pardon. C'est sorti et je t'encule. Voilà. Ça fait quasiment une bonne semaine. Oui, mais bah, écoute, il a rajouté. Bon, ça fait mieux quoi. Ça, ouais, vraiment, non, mais je vois. Non, mais je peux. Voilà. Non, mais voilà. Pardon pour la réaction. Comme on dit. Oh non, mais attends, c'est Laurent. Oh, là, non. Michel Barnier, Premier ministre, c'est ça la prochaine news. On le sait, merci. Arrêtez de me cook là, s'il vous plaît. Tu tryhardes, je trouve. Tu peux FF15. Oh, alors là, c'est sûr que tu les as perdus. Ouais, là, ouais. Non, c'est LOL ça. Oh! Eh, ouais! Quand même. De quoi? Que j'ai eu. League of Legends, ça, c'est LOL. Bah, ouais, mon pote. C'est les Worlds en ce moment. Eh oui, Spotify l'a annoncé hier. Et faut que c'était hier quand j'ai trouvé la news, pardon, ça a mis du temps. Non, mais bien sûr. La plateforme va ajouter un service qui manquait jusque-là, les livres audio. Elle va ajouter 15 000 livres audio ultra cultes en français. Ceux qui ont un abonnement auront droit à 12 heures par mois d'écoute. Après, ça devient payant. Bon, j'espère qu'il y aura livre d'Astérion quand même, sinon. Le temps des tempêtes. Et puis... J'avais un début d'Astérion à une époque, mais je l'ai plus. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouais. Complètement débile. Et le jeu de PSN dans le vide-grenier, il a une bite dans la couille. Oh, ouais. Est-ce que vous écoutez des livres audio autour de cette table? Jamais. Totalement. Toi, je sais que t'attends que ouais, tu continues. J'en ai, de temps en temps. C'est quoi là que t'as goûté là? Fais-nous des petites recommandations littéraires. Ah, ouais. Récemment, rien. Bah, celles qui t'ont marqué. Un truc qui m'a marqué, j'ai écouté Eleven Rings, le. Attends, j'ai un trou de mémoire, j'ai vraiment des. C'est le Eleven All-Star, par contre. Ah oui, c'est ça. Ou les Chicago Wings, mais pas les deux. Ouais, l'arbitre. L'arbitre, ouais. Racisme mono. Ouais. Toi, tu y étais d'ailleurs, j'ai vu. Oui. Ouais. Parce que j'ai vu, à un moment, t'étais la mascotte. On voit et t'as dit, il s'est passé quoi? J'ai lu sur tes lèvres. j'ai vraiment dit ça. Ouais. C'est l'autre bout du stade, je suis en mode. Ah, mais il s'amuse! Un action raciste. Ce qui est fou, c'est qu'il s'énervait, mais il était en mascotte de poulet, donc il avait vraiment un énorme cul. Et moi, ça me fait toujours rire, ça, les mascottes avec les énormes culs, et il s'énervait, quoi. Gros, ce qui est un calvaire, c'est vraiment, je suis en mode, putain, mais il y a un move raciste, la honte! J'ai une tenue de poulet, je suis noir. Ouais. Ils ont pas honte de faire ça, tu vois. C'est le truc. Tu n'es pas noir, Grim, mais ouais. Je vois ce que tu veux dire. Super message. Ouais, Eleven Rings, c'est le livre de Phil Jackson, l'ancien coach des Chicago Bulls et des Lakers et tout, où il explique sa philosophie de comment il a géré les équipes, comment il les a fait gagner. Et est-ce que c'est lui qui le lit? Non, je crois pas, non. Parce que des fois, il faut ce truc stylé. Là, je suis en train de lire l'autobiographie d'Al Pacino et j'ai appris qu'il allait. Ouais. Et c'est lui qui lit maintenant là? Bah, et du coup, il va. Ah, moi j'avais écouté une fois un audiobook comme ça de Virginie Despentes. Ah oui. Et le mec qui lisait bafouillait parfois. Ah non, et c'est l'enfer. Il laissait dans la version finale. Et tu fais, bah, peut-être refais une prise. Ah oui, là, il bafouillait beaucoup. T'inquiète. Là, il avait une éponge dans la bouche. C'est vraiment. Bon, c'est chiant, ça sent pas, je la doute pas. Ouais. Voilà, c'est bon. 4 j'ai mal à la tête, ok. First cast. T'as pas mal à la tête, Adrien? En fait, vous fait pas ça, vous? Non, moi je pense que c'est l'âge peut-être. Non, en fait, quand je déjeune trop tard, j'ai mal à la tête. Mal à la tête? C'est l'âge. Non, mais ça me faisait ça. Ouais, mais. Je pense pas que c'est lié à l'âge. Même si je dis non, mais déjà il y a 10 ans ça me faisait ça, c'est déjà vieux pour toi quoi. C'est ça qui est fou quoi. Non. Moi, il y a des fois j'ai mal à la tête, mais ça arrive dans la journée. Peut-être c'est. Putain, c'est trop bien, mec! Putain, c'est fou ça l'anecdote. Dis-nous un peu plus parce que là, c'est ça, je pense que les gens ils kiffent savoir. Waouh! C'est dur. C'est dur. Ouais, mais en même temps. Mais je comprends! C'est une dynamique qui a fait ses preuves. Hein. Oui, bah non, mais. On est sur un deux binômes là. Non, on peut le dire. Là, il m'a cook. Hein. C'est quoi ce mec que t'as envoyé là? Putain, j'ai envoyé un petit. Non, mais là, en même temps, vous passez tout votre temps. T'es une cooking mama là. Vous êtes sur les. Vous êtes sur les répétitions de Bercy là en ce moment. Oui. Le casque fait mal aux oreilles. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi. T'as quel âge? Non, parce que vous avez les casques. Non, moi, il y a que moi qui ai le bien. Voilà, des casques bien. Non, lui, il a le même. T'as le Sennheiser et nous, on a les casques. C'est que moi qui l'ai parce que vu que je mixe l'émission, c'est plus facile. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'avais dit que j'allais acheter des casques. Vous bossez de ouf en ce moment sur le Bercy. Est-ce que ça, vous êtes pas trop épuisé? Parce que là, quand l'épisode sort, c'est dans quelques jours là. Ouais. Que vous allez le faire. Bah, pour de vrai, c'est le moment pas drôle du truc. Non, mais ouais, on peut. C'est un peu usant là. Ouais, là, j'ai vraiment, pour la première fois de ma vie, genre des plaques de stress. Mais en plus, lui, c'est un stressé déjà de base. Ouais. Mais là, on a vraiment des journées pleines où c'est que ça quoi. C'est du 9h minuit. Ouais. Plus si. Parce qu'en fait, on doit le soir, on doit enregistrer des trucs en studio. Bien sûr. Et je sais pas pourquoi les gens de la musique ne bossent pas avant 23h. Non, mais c'est une dingue. Mais ils font tous ça. Et donc, ouais, 2h du mat. Tu penses que t'as fini ta journée à genre à 20h ou 21h et tu dis, non, à 23, j'ai le studio jusqu'à 5h du mat. Voilà. Mais je sais pas pourquoi ils font ça. D'ailleurs, je suis en 12-16h. Après, je pense que les ingés sont genre de Michel Sardou, ils font pas ça. Tu vois, vous avez choisi des gens du rap, je suis sûr. Ou de SCH notamment. Bah voilà. Peut-être que c'est ça. C'est plus stylé. Mais c'est très grisant par contre. C'est génial. Ça fait. Un rythme de vie enivrant. Oui, bien sûr. Oui. Et parce que moi, quand je t'ai vu, Max, tu disais que t'étais stressé pour vendre les billets. Ah oui. Et pas trop pour l'émission. Est-ce que ça y est, t'es stressé pour l'émission maintenant quand même? Je suis pas stressé du jour J parce que là, je suis dans l'étape où je peux encore contrôler ce que je fais. Je me dis, si je fais des efforts, bah je fais le max. Bon, ouais. Bah c'est de mon côté, je peux le contrôler. Tu là fais le max Biagi d'ailleurs. Je fais le max. On peut le dire. Merci. C'est énorme, énorme. Merci. Ça, je peux le contrôler au moins un peu. Après, on n'est pas à l'abri que ce soit nul ou quoi, mais bien en tout cas, je peux. On peut s'entraîner. Oui, c'est sûr. Les places, ouais. Tu peux pas contrôler. Si personne veut acheter, bon bah. Oui, oui. Nous, le Bercy est réservé, tu vois. Ce qui est stressant, c'est plus de. C'est les journées qui sont un peu fatigantes en fait. C'est ça. C'est ça qui est stressant. Mais ouais. C'est trop bien. C'est du bon stress. Ah oui, c'est du bon stress. Génial. Ouais, c'est génial. Toi, je te vois pas stressé par le jour J, Grim. Je te sens détendu. Non, mais le jour J, moi j'ai de la hâte. Mais ouais. Je suis d'accord que, comme Maxi dit, là on enchaîne encore. On est en plein répétition. Il y a tous les tournages. On n'avait pas encore tout trop bouclé. Du coup, on est en mode, c'est bizarre. Mais comme il dit, on a normalement la marche pour tout faire rentrer. Et vous avez en plus là un peu le stress du faut faire plus fat que le Zénith ou des trucs comme ça. C'est ou... ça. Et c'est la dernière. Enfin, pour le coup, c'est l'officiel. Ouais, il faut faire plus fat que le Zénith dans une salle qui est beaucoup moins permissive et beaucoup plus cher. Ouais. Donc en fait, même si on a plus de budget, avec Eric Ramsey en plus, qui sont avec Eric intenables. En plus, sans faire juste un Zénith 2, quoi. Ouais, bien c'est sûr. C'est ça. Donc oui, forcément ça. Donc ouais, vous chiez dessus, on peut le dire. Je peux dire vous chiez moi, je me suis chié sur la main là, il y a pas longtemps. Je suis transparent, hein. Non, mais t'as raison. Non, mais voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Au moins, c'est honnête, tu vois. Ouais, mais je sais pas, apparemment, de là à dire que c'est lié au Bercy, je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment une mauvaise gestion de ma part de la merde. Ouais, Un mauvais timing. Un travail sur soi, je pense. Voilà. Concrètement, ouais, c'est très stressant. Si on prend l'exemple du Zénith de l'année dernière, j'étais pas stressé le jour J perso. Le jour J, oui, c'était que du. Bon, ça arrive, là, l'heure est passée. Tu sais, quand t'atteins le niveau de stress au-dessus où t'es en mode, bon, bah. Ouais. C'est maintenant, trop tard. Bah, je suis en mode un peu, bon, bah, un peu un déni, quoi. Oui, bah, et puis t'as les cris des gens. Enfin, il y a des trucs qui vont te. Parce que si c'est Bercy, 3 heures avant, vous allez entendre la foule un peu. Bah, c'est ça qui me stresse le plus, moi. Ah oui, le avant. Quand t'es en coulisses et que t'entends les gens qui attendent, quoi. Ah, oh, bah, moi, c'est fou, ça me l'avait fait aussi sur la tournée, nous. Quand on avait fait la tournée des Floodcast, c'était ça aussi. D'entendre les gens dans la salle avant que ça commence. Et tu dis, merde, là, je peux plus faire marche arrière. Bon, même si concrètement, tu pouvais déjà pas, mais là, c'est assez concret, quoi. Bah, on a hâte de voir, en tout cas. Merci, vous êtes. C'est quand déjà? Le 15. Le 15 novembre. Très bien. Vous êtes invité, les amis. Hein. Vous êtes invité en 4T4. C'est pas mal. PMR. C'est visibilité réduite, PMR sur la gauche, derrière le rideau. Tu te mets debout, tu vois un bout de la scène quand même. Cool, ouais, cool. Bah, ouais. Ça me paraît horrible. Mais okay. Non, c'est pas horrible. Okay. Bah, vous verrez le jour J. Ouais. Par contre, ton eau avec les bouts de crotte séchée, c'est quand même très bon. Hein. T'as vu? Ouais. Non, mais merci parce que tout le monde dit qu'il y a de la merde dans mon eau. Personne dit que ça rajoute un petit goût sympa. Très honnêtement, je pense pas que ça change le goût. Ouais, non, aucune. Non, mais pour le coup, allez, je sens que il y a pas Adrien, de caviar, tu vas finir ton pas verre. Tu vas dans le robinet, tu te sers un verre d'eau du robinet et tu me dis si tu sens pas une différence. Oui, mais tu laisses de l'eau reposer de base, le chlore va s'évaporer, ça va être meilleur. Quoi. Excuse-moi, j'ai mis gourmand. Voilà. Non mais gourmand. Attention. Ouais. C'est gourmand, son nom. C'est gourmand, oui. Ouais. Pour moi, attends, toujours que j'ai mis gourmand. Ah ouais, parce que je pensais que tu faisais une vanne toutes ces années. Non, mais non, tu l'appelles gourmand par contre. Ah ouais. Non, mais comme tout le monde pensait gourmand, je sais pas parler. Moi, j'ai toujours dit. Bon, déjà, je tenais pas son nom de famille. Ouais. C'est quand j'ai appris qu'il était épicurieux que j'ai appris qu'il avait un nom de famille. Gourmand. Ah ouais, autant pour moi. En Grèce, un homme a été arrêté parce qu'il nuisait particulièrement à la vie de ses voisins. À votre avis, que faisait-il? Il écoutait du gros son. Arrête. Il imitait Homer Simpson. Non. Oulala, sonneau à fond là, Marge. Oh. Il chantait de l'opéra. Il chantait de l'opéra. Non, il chantait pas de l'opéra. Ouh, c'est les mignons, Marge. Mais Adrien. Oulala. On est en train de tester une IA actuellement. Homer Simpson sur la voix d'Adrien. Dès qu'il y a un sub, c'est avec la voix d'Homer. Oulala, merci pour le sub. C'est bien. Ouh, c'est bien. Ouais. Oh, la corde ne sera jamais lâchée. Je sais pas, il faisait Hercule. Quoi? Hercule, bah il est en Grèce, il y a les dieux grecs. Ah oui. Non. Bien vu. Eh oui, pardon. Non, il a pris une piste, il a dit ça peut... de la feta, je sais pas. Ah, énormément de feta chez lui. C'était Nikos, je sais pas. C'est un énorme baiser, je pense. Alors non, c'était pas un énorme baiser. Mais c'est vrai que ça. Moi, mes voisins, ils arrêtent pas de se plaindre. C'est vrai. Arrête de baiser, mec. Du voisin du dessous, là. Tout le monde. Le voisin du dessous. Non, tout. Tout. Ouais. Je vais pas prendre le métro sans attendre. Les gens du métro se plaignent aussi en disant arrête de baiser, mec. Je peux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est pas m'en empêcher. C'est le roi. Mettez-moi les menottes si j'ai pas le droit, hein, parce que j'aime trop ça. Baiser. Pas du tout, je crois. Non, je baisse plus, très peu. Quasiment plus. J'entends bien. Bah, mes enfants, je les ai fait en baisant. Voilà, c'est Bourvil. C'est du Bourvil. C'est Ruquier qui imite Bourvil, je crois. En pétant. Putain, j'ai envie d'essayer. Non, c'est trop bien. Garde un peu d'imitation pour plus tard. Teasing. Oh, putain. Oh là là. Bande annonce. Ils vont faire un happening. C'est sûr et certain, il y en a un. Saison 4. S'il te plaît. Je t'en supplie, Max. Allez. La première happening, il est quand même arrivé. Il a chié chez vous. Oui. On n'est pas chez moi. Oui. C'est 100 mètres carrés quand même ici. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'a fait cet homme pour être arrêté en Grèce? Est-ce que c'est une nuisance sonore? Non. Une olfactive. Oh, alors. L'odeur. Non. Je t'ai vraiment méprisé en t'expliquant ce que voulait dire olfactive. Ouais. Et en même temps. Ça peut arriver. Un jour, quand même, tu savais pas que le sanglier était un mammifère. T'étais pas sûr. Mon cerveau a bugué. À un moment, il y a pas de problème. Je t'ai dit, t'es le gentil du groupe. Mais tu sais, c'est quoi? Il pondait des œufs. Comment? Je t'ai dit quoi? Ils pondent des œufs? Non, pas du. Mais oui, c'est maintenant après coup, c'est débile. Non, mais après coup, j'ai dit comme ça. Oui. J'ai pas dit. Je sais pas. C'est un poisson. J'ai fait. Attends, ça m'a. Il a juste dit. Je sais pas. Non, j'ai fait. Attends, je sais pas. C'est un mif. Et donc là, tout le monde. Excuse-moi, mais t'es complètement débile. Comme mec ou quoi? Merde. Ça serait pas arrivé si tu avais fait un bac montagne. Montagne. Oh, sur on a des sacrés des sangliers. Oui. Ça c'est bien vrai. On peut passer un petit big up à tous nos chasseurs français qui tuent les sangliers. Ils font un super boulot. Ouais, bravo à eux. Ils font un super taf. Lâchez pas les gars. C'est pas si simple en ce moment, donc merci non, les gars. Quoi. Non, le Wookie Store les empêche Vakita, de bosser. Vakita là, qui tapez chasseur dans le chat, c'est pas un like. Tapez chasseur. Donc, non, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, c'est pas olfactif parce qu'il n'avait pas de lui-même une nuisance olfactive pour ses voisins. Mais non, mais la nuisance que subissaient les gens était-elle olfactive? Les assiettes étaient pas lavées? Donc, tu verras la réponse, tu te diras ah, peut-être je m'excuse auprès de Florent. Non, ça, je le ferai. On verra si si ma gré était justifiée ou pas. Je sens qu'il y a plus de chances que tu imites Homer Simpson. C'est très probable. Je pourrais peut-être m'excuser en l'imitant. Bah, si c'est mérité. Des moisissures dans l'appart? Alors, non, c'est pas des moisissures. Il faisait fermenter des trucs. Non, il avait des animaux gênants. Non, il n'avait pas d'animaux gênants. Il faisait quelque chose qui est plutôt illégal. De la mette? C'est vrai que c'est très illégal. Oui. Mais non. Il y a une nuisance olfactive pour le effectivement. Il faisait de l'alcool. Pas de l'alcool. Pas l'alcool. Trafic d'organes. Pas trafic d'organes. C'était Jeffrey Dahmer. Ce n'était pas Jeffrey Dahmer. Okay. Sinon, c'est vrai que c'est vraiment illégal ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est passé dans légende? Il n'est pas passé. Oh, il pourrait. Dans quelques semaines. Ouais, bientôt. On n'est pas à l'abri. Bah, c'est le psychopathe. C'est pour ça que tu dis ça, non? Oui. J'ai la ref. Masterclass. 5 étoiles esthétiques. Masterclass. Wow. Mettez des wow dans le chat. Hashtag wow tout le monde. Et je parle pas du jeu. Hein. Non. Hashtag floodcast wow trend sur Twitter en TT s'il vous plaît. Gank. On retourne internet là, les je amis. Gank. Je crois qu'on est en train de faire le plus gros bordel internet ever. Hein, j'ai l'impression. Ça vous n'avez pas la raison, vous êtes trop jeune. C'est une balle. Hein. C'était la chaîne YouTube de Kev Adams. Oh. Oui. Il avait fait une chaîne YouTube qui s'appelait Kikon. Et il l'avait présenté en disant Kikon, c'est simple, c'est le plus gros bordel internet. Attends, tu parles pas de la dernière chaîne? Non, parce qu'il est revenu maintenant. Oui, il est revenu. Alors, il est revenu avec là, une... oui, mais là, à l'époque, c'était son Golden Moustache, Studio Bagel à lui. C'était Kikon. Mais t'es complètement crazy sur celle-là, du coup. Ah, mais il était crazy parce que c'était le plus gros bordel internet, donc je peux pas vous. Parce que tu disais olfactif, Adrien. Bien, oui. Mais en fait, c'est peut-être. Je vais vous aider, je vais donner un indice. C'est lui avec son nez. Il se mouchait fort. Il se mouchait pas fort, mais il faisait un truc assez illégal avec son nez. Et il sniffait beaucoup de cocaïne? Alors il sniffait pas de cocaïne, mais il sniffait quelque chose. Qui dérange ses voisins. Ah, du poppers? Pas du poppers. Non, un truc. Attends, donc c'est du sniffy? Pas du sniffy. C'est le. On est sponsor par sniffy d'ailleurs. On oh a pas dit, putain! Pas de problème, aucun souci. C'est Kinder for Kids à Bercy. C'est le. Donc le truc qui sniffait, créer une. Non. C'est le fait qu'il sniffait ce truc? C'est plutôt illégal. Il sniffait. Ah! Il sniffait. De l'héroïne? Non. C'est pas de la drogue. Parce que c'est un peu illégal. C'est un peu illégal. C'est un peu illégal. C'est bien illégal. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Après, de l'essence. On ne juge pas les kinks. Indice. Il sniffait du sperme? Non. Des culs? Non. Peut-être il sniffait du kiff parce que c'est illégal en 2024, j'ai l'impression. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais, merci. Merci. Putain. Ouais. Faut le dire. Le pavé. Il boit un verre vide, du coup, carrément. Non. Petite sans pellée, ouais. Petite sans pellée, ouais. Bah attends. C'était quoi ton indice? J'ai dégueulé en même temps que je parlais. On est deux. Ouais. Je vais vous donner la réponse. Mais non, celle-là, non. Alors là, non. Il t'a fait un communiqué tout à l'heure. Oui, c'est vrai, je l'ai pas non, pris. T'as dit un indice. C'était quoi l'indice? Il sniffe un truc et c'est illégal. Mais c'est pas de la drogue. Le cul de son chien. Pas le cul de son chien. Il reniflait. Il sniffe pas, il renifle. Ouais. Ok. Il sniffe la merde de ses voisins. Alors non, mais c'est un truc de ses voisins. Le chien. Pas le chien. La bouffe. Pas la bouffe. Les tendoirs avec les culottes. L'enfant de son pas l'enfant. Non, moins glauque quand même. Mais attends, ça veut dire qu'il avait accès à quelque chose de ses voisins. C'est ça. Les sur le balcon, genre. Ouais, ça devant chez eux, mais ça pour le coup. Les sous-vêtements. Pas les sous-vêtements, les plantes, mais les plantes. Des vêtements, plutôt des vêtements. Les petites culottes. Pas les petites culottes. Les chaussettes. Culottes. Les t-shirts. Les chaussures. Il sniffait les chaussures. Il laissait les chaussures sur le palier et il les reniflait. Et il sniffait les chaussures. J'allais dire, il n'a pas fait ça. J'allais dire, c'est pas un drame, mais c'est vrai que je rentre chez moi, il y a un mec qui sniffe mes chaussures. Mettez-moi les menottes. Oulala, je m'excuse pour tout à l'heure. C'est difficile, merci. Merci quand même. Merci Omer. Alors, je suis d'accord que c'est pas illégal. En tout cas, je pense pas. Alors, si, dis-toi. Parce que du coup. Non, mais parce que tu vas voir. Les chaussures étaient sur le palier. Je vais vous raconter l'histoire. C'est les parties communes, hein. On paye quand même les charges, donc. Non, on a le droit quand même. Désolé, elles ont pas été là, les chaussures. Je me pas non plus, un homme de 28 ans vient d'être condamné par le tribunal de Thessalonique pour avoir reniflé les chaussures de ses voisins à plusieurs reprises. C'est le plus tôt, plusieurs reprises, je crois, qui a été un peu mal vu. Ouais. Le suspect avait été arrêté à l'aube du 8 octobre dans la petite ville de Sindos, quelques minutes après avoir été surpris en flagrant délit dans le jardin de son voisin. Donc il est dans le jardin. La propriété privée, c'est mort. C'est ça. Le plaignant l'avait trouvé en train de sentir. Trespassing. Sentir l'odeur des chaussures de toute la famille laissées à l'air libre pendant la nuit. Or, cet événement n'était pas isolé. Eh oui. Au moins 3 incidents similaires se seraient produits au cours des 6 mois précédents. Ne souhaitant pas le poursuivre en justice à la base, les victimes avaient demandé à la famille du renifleur de s'empêcher. Le renifleur. Il l'appelle comme ça dans le quartier. C'est le renifleur. C'est Batman, il est là. Il simplement l'empêcher de violer à la fois. C'est le méchant de Batman, je trouve. Oui, c'est ça. Le renifleur. De pas rentrer dans leur jardin, de pas violer leur intimité et leur propriété, d'autant que l'homme n'avait jamais manifesté aucune agressivité à leur égard, donc il est en mode c'est juste un renifleur, ouais, il renifle, laissez le renifler, putain. Mais vu que 3-4 chaussures par semaine. Mais vu que ça fait 3 fois qu'ils disent bon allez stop, la 4e fois est mal passé. Le consentement, je comprends. La famille défendeur ayant échoué dans sa mission, les plaignants n'ont d'autre choix que de le conduire devant un juge. Ce dernier a reconnu le jeune homme coupable. Ils le conduisent quand même, sympa. Ils ont payé le GSM, ils ont dit on t'emmène. Enfin, même la carte. Et donc, il a été condamné à un mois de prison avec sursis. Oh putain! Pourquoi ils renifle pas les siennes? Mais puis c'est pas la même odeur, tu vois. Tu sens pas ton odeur, tu vois. Alors que l'odeur des autres, je pense que il y a du caractère. Ça dépend de tes voisins. Si par exemple ton voisin a fait un bac montagne, tu te dis dans les chaussures, il doit y avoir du vécu. Il y a du vécu dans ses chaussures. Je suis en dos là. Est-ce que vous pensez que vous êtes des bons voisins? Grim, des fois je regarde tes streams, c'est genre non mais là je vais me faire engueuler par les voisins, par là, tu vois. Mais en soi je suis un bon voisin, mais forcément quand tu streams, si tu streams tard, bah tu fais du bruit. Et en plus moi vraiment l'immeuble où je suis, les murs c'est du carton, du coup ils entendent tout. Ouais. Du coup passer 22h c'est un calvaire. Mais sinon je suis sympa. Alors que Bah t'as fait tomber la crotte, hein. Il a fait tomber le bout de merde. Il a fait tomber le bout de merde. Eh qui limite. C'était plus petit que ça. Mais passer 22h c'est un calvaire, sinon je suis un bon voisin, attention. Moi je suis ton voisin, du coup je peux pas dire que t'es un bon voisin si tu me fais vivre un calvaire. Non mais justement, du coup, mes voisins du dessus pour le coup ils sont très gentils. Et c'est normal, ils ont deux gosses, passer 22h-23h ils sont en mode attention le bruit, ce qui est normal, genre à 21h ils me font pas chier. Oui, puis s'ils ont deux gosses, eux te font chier le matin par exemple, normalement. Parce la que nuit. T'entends à la nuit carrément. Ah ouais. Ah oui, c'est des petits, donc ils se réveillent la nuit. D'ailleurs moi j'ai un truc horrible. Mais ça je passe sur la garde, c'est vraiment c'est bizarre. Mais du coup, comme des fois je suis frustré de pas pouvoir live tard, des fois la nuit j'entends le bébé qui se réveille et ils entendent marcher pour aller rendormir et ça me rend heureux. C'est-à-dire En gros je les entends devoir se réveiller pour aller rendormir les bébés. Et tu dis chè. Non, tu peux garder, ça va. Une petite vengeance, Pardon, c'est de bonne guerre. Non, par contre, eux, c'est des voisins très gentils, mais j'ai des voisins quand on avait déménagé avec ma sœur il y a 3 ans qui ont fait une folie. C'est des poubelles un peu spéciales où il y a bac vert, bac jaune. Sauf que le bac jaune. Bac montagne. Bac nord. Merci. Et le bac jaune, il est un peu, tu sais, c'est une petite trappe. Et j'avais, je sais pas, 2-3 cartons achetés. Bon, j'avais fait mille plier, mais je viens d'arriver. Du coup, je les ai posés dans la poubelle verte. Ouais. Pardon. Ça peut rendre fou, Florent. Non, pardon, j'écoute. Du coup, pas ouf, mais c'est pas un drame. Je me pose. Et le lendemain, ça sonne à l'interphone. J'ouvre à la porte, mes cartons devant ma porte. Ah non. Avec un mot en mode mettez dans la bonne poubelle. Oh non. Ouais, et c'est vrai que c'était toi. Oui, non. Un fils de pute. Moi, ça m'aurait rendu fou, mais je les aurais pliés comme une grosse victime. Je les aurais mis dans la poubelle. Moi, si la démarche. T'as mis un mot quand même. J'ai mis un petit mot dans le local à poubelle, j'ai mis un mot. Oh là là. Non, mais ça, c'est. Si la démarche, le gars, il vient sonner chez moi, il me dit salut, je t'ai vu, t'as mis dans la mauvaise poubelle, viens. Et alors il me dit juste, mets dans l'autre. Viens, on sort. Viens, on se pose 2 minutes, on parle. S'il me dit, tu l'as mis dans la mauvaise poubelle et tout, tranquille. Mais là, c'est vraiment. Il a fouillé comme une fouine dans la poubelle. Il les a portés deux étages devant ma porte. Ouais, non, ça donne il a sons. Sonné l'interphone en mode tu sauras pas c'est qui. Et ouais. Non, non, mais ouais, ça c'est le Batman du coin. Ouais. C'est le renifleur. Il a reniflé les poubelles, il les a portés. Ça, c'est Goujat. C'est du carton là. Max, toi, t'es un bon voisin. Alors, on va faire comme si j'habitais pas dans un château de 4 hectares où du coup j'ai pas vraiment de proximité. Mais oui, non, mais par oui, rapport, ouais. Mise en situation. On ouais. disait que j'habitais en appartement. Tes 16 femmes de ménage sont pas dérangées exactement. Par le bruit. Exactement, voilà. Non, je suis, tu es un excellent voisin. Elles habitent dans les dépendances et tout. Et dans les, va, dans ouais. les chambres de bonne. Oui, oui, c'est, je suis un très bon voisin. Parce que tu viens de déménager là, non peut-être. Ouais, ouais, j'habite. Ouais. Non, je suis un excellent voisin, je pense. Ouais, ouais. Ouais, tu penses que t'es ouais, bon. Ouais, ouais, ouais, Adrien, toi, t'es un bon voisin. Toi. Bah, le chien, ça peut être chiant pour les voisins du elle, sud. Elle fait pas de bruit. Ok, très bien. Elle fait pas de. J'ai un pote qui avait un chien et ses voisins, enfin, qui a toujours un chien d'ailleurs. Et ses voisins du dessous, elle arrêtait pas de venir. Et franchement, moi, ça m'a glacé le sang une fois quand mes voisins du dessous, on a entendu un chien deux jours. Ah oui. Et vraiment, du jour au lendemain, t'entends vraiment des bah gratter quoi. Enfin, tu sais, c'est les pattes du chien avec les griffes. Et quand il court. Et on s'est dit, mais ça y est, notre vie devient un cauchemar du jour au lendemain. Ah, peut-être en fait, que je suis un horrible voisin alors. Non, mais tu vois, et du coup, ils l'ont gardé que deux jours, donc ça va. Ouais, mais ils ont fait quoi après au bout de deux jours? Ils l'ont tué de leurs mains. Ah oui, ça va. Ça. Bah, je me suis plaint, j'ai laissé un petit post-it, tuez votre chien. Bon. Ouais, non, mais je pense qu'ils le gardaient pour un pote ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais moi, j'ai très peur de déranger les gens. Donc, je fais pas de bruit et tout. Enfin, je suis pas quelqu'un qui fait du bruit et tout. Mais en revanche, mon voisin, mon voisin d'à côté, quoi. Ouais. À chaque fois me regarde mais vraiment avec un regard je sens qu'il me j'ai l'impression qu'il me déteste. Il t'aime pas. Il me dit pas quand je lui dis bonjour, il me répond pas et tout. Ah oui, et donc je me dis non mais je me dis soit il est comme ça avec tout le monde et il est juste très malheureux ou c'est un connard, je sais pas. Ouais. Ou alors je le dérange mais je sais pas comment quoi. Parce que je fais pas de bruit, tu vois, donc je sais pas. Bah et ton chien ne fait pas de. Elle aboie pas. Ouais, juste quand on sort pour aller se promener, elle peut faire. Bon, le couloir parce qu'elle est contente. Ouais, quand tu restes dehors, ça va, c'est pas. Sur le palier. Yes, I. De quoi? Non, là, on imitait ton chien. Ah. On imaginait qu'il faisait la fête, ton chien. T'as pas aimé ça. Pinaise, une balade. Voilà, c'est ça. Il fait ça. Ouh, pinaise. La piscine Camille Muffa, grand Kiveilli. Homer Simpson? Non. Okay. A dû fermer son petit bassin dans la soirée du mardi 8 octobre 2024. A votre avis, que s'est-il passé? Bon, on va éliminer les trucs. On va éliminer le pipi et le caca. Voilà. Bah oui, mais c'est ça. Ah, mais okay, c'est-à-dire bon, pas n'importe laquelle. Une merde d'une énorme ampleur. Ah oui. Oh, arrête ça, c'est respect. Ouais. Si, oui, oui. Si. Parce que c'est pas un accident. Non, parce que c'est ça, pas genre oups. Tu le sens arriver, tu peux refermer le clapet. Là, c'est vraiment. Il a eu un projet, une semaine d'alimentation, il s'est dit je vais choquer cette piscine. Je vais au bout, ouais. Le petit bassin a été fermé toute la soirée et effectivement une découverte inattendue qui a conduit les responsables de la piscine à annuler l'ensemble des activités et sportives. Attention, petit bassin, donc c'est un adulte sans doute qui a dit attends, les gosses là, sortez, c'est fini. Ouais, c'est les héros. Il a qui ce nourrisson là, qui sent la merde. Oh non, l'enfant là, regardez ce qu'il a fait, monsieur. Oui, il fait la taille de l'enfant, donc monsieur arrête. Monsieur Biagi, vous êtes. Vous êtes adulte. Je suis dans ta main pendant la piscine quoi. Et qui fait ça. Donc une découverte inattendue qui a conduit les responsables de la piscine à annuler l'ensemble des activités sportives, dont l'aquagym. Ah merde. Eh bah attends, ouais, merde. De l'aquagym dans le petit bassin, ça a aucun sens. Si, bah bien sûr que si. Bah Adrien, ah, c'est pas le c'est pas le l'aquagym mini faut bassin. Faut qu'elles aient pied. Donc forcément tu vas dans le petit bassin. Ouais, pour sauter. Et... Bah ouais, Adrien. Oui, dans mais c'est bassin, pas le mini bassin. Nous on imagine le bassin de 50 cm. Le mini bassin c'est 1m80 de profondeur. C'est ça. Attends, comment? Le petit bassin, c'est genre c'est 1m20 d'eau à peu près. Tu confonds avec le pédiluve. Font de l'aquagym. Non, je confonds pas avec le pédiluve. Tu confonds avec le tennis. Non, mais moi, de table. Dans le grand. En fait, moi, la piscine de là où j'ai grandi, le grand bassin, il y avait un côté où t'avais pied, et après, ça s'enfonçait, et t'avais pas pied de l'autre côté. Ah non, moi, c'était pas ça, t'avais pied nulle part, ouais. Ça dépend des piscines. Bah, par exemple, la piscine Georges Valeret, il y a une piscine profondeur max 3 mètres, et une piscine 1m70. Et c'est plat, tout. Enfin, c'est la même profondeur partout. Ok, moi, c'était différent. Parce qu'il y avait là où il y avait les plongeoires, notamment 10 mètres. Chine dedans et vois, ça fait quoi? Ouais, je vais faire. Je vais voir. Je vais voir. Et vois, ça fait quoi? Ouais, je vais voir. Attendez, moi, je sais pas ce que ça veut faire. Je sais pas comment, quelle surprise je peux avoir, mais. Interroger sur cette annonce quand même, parce que là, la piscine s'est exprimée. Désormais, c'est mon Everest. Oui, c'est ça. C'est l'esprit Kaizen, c'est chacun son truc. Kaka et zen. Oh yeah. Kaka et zen. Ouais. Ouais. Necfeu à 100% ouais. Voilà. Aucune différence. Donc oui, une salariée confirme l'information, effectivement, selon elle, c'est quelque chose de rare. Pas mal. Encore ça, heureux. Rare ne veut pas dire. Jamais. C'est le troisième de la semaine. Ne veut pas dire unique. Unique. La déjection a obligé le personnel à suivre un protocole très strict. En l'occurrence, il faut filtrer tout le bassin. Donc c'est pas juste qu'il y a bien sûr, c'est la poisson. On a enlevé tous les rochers, toutes les algues. Pourquoi je vous pose cette question? C'était quoi votre activité extrascolaire? Vous faisiez quoi en plus de l'école quand vous étiez jeune? Toi, tu faisais de la piscine, toi. Moi, je faisais de la piscine. Nageur. J'ai jamais chié dedans, ni pissé. Ouais, bon, ni pissé, ouais. T'as pas eu de jeunesse, en fait. Non, j'ai pas vécu. Moi, je lui dis, t'es au russe, pisse dans la piscine. Ça, c'est je trouve ça dégoûtant. Ah, derrière, c'est sûr. Oui, dans l'eau de la piscine. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais piscine. Ça se voit sur public. Non, mais piscine en vacances, piscine municipale, il pisse dedans. Il pisse dedans. Mais c'est malade. Mais moi, je le out. Pisser dans la mer. C'est pas grave. Évidemment. Oui, bien sûr, même chier, franchement. Bah, oui. Dégueuler. Vomir. Franchement, voilà, poignarder un gosse dans la mer. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Il y a l'eau de mer, ça cicatrise. Ça va, c'est bon. C'est bon. Mais dans une piscine, ça se voit en plus. Enfin, non. Mais non, il y a pas un colorant. Non, mais ça, je sais. Non, mais si. J'ai pas 7 ans et demi. S'il boit beaucoup d'eau, ça va. Oui, ouais, bon. Ah non, c'est horrible. Mais c'est dégueulasse. Non, non, ça va. Je veux dire, ça se voit pas, mais c'est dégueulasse. Ah là là. Mais c'est pour ça qu'ils mettent autant de chlore aussi dans les piscines. C'est parce que les gens pissent. On peut plus le boire, quoi, c'est trop chiant. Ouais. Alors que quand à l'époque de Coluche, on pouvait boire l'eau de la piscine quand même. On peut boire la pisse de ses potes tranquille. À cause des woke. Bah non, on peut plus. Des proches, j'y pourrais plus. Des proches, j'y pourrais plus boire la pisse de ses potes. Il l'a fait. Et voilà. Prenez un verre de pisse. Personne dit rien à l'époque. Moins connu, mais il l'a fait. Maxime, tu faisais quoi toi en plus de l'école? À part la montagne. À part la montagne. Ah, la montagne. Et puis les. Gaming. Clic, clic, clic. League of Legends. Le gank. La boogie bomb là. Non, même pas. J'avais pas assez d'internet. Moi, je faisais du théâtre. Je suis vraiment. Ah oui. Oh là là. Bah ouais. Fédo. Un homme soja. Tu faisais Fédo? Oui. J'ai fait Fédo. Oui, oui. T'as fait Molière? Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Tu faisais Orlosk? J'ai fait Orlosk, oui, bien sûr. Eh, je l'ai inventé! Mais non! Non, t'as dit que tu le faisais. Happening. Il y a Remsar qui intervient sur un truc. Mais non. Il existe pas le mec. Je suis pas en train de te couper là. Mais t'as inventé. T'as fait aucun sport. Aussi, j'ai fait du foot. T'as nagé un peu. J'ai fait mer, tu piquais une tête. Ouais, je piquais une tête quoi. C'est pas très sportif quoi. C'est voilà. Parce que nous, on est trop des baigneurs. Eh, tu devais trop tirer à l'arme à feu. Encore, je pense. Poum poum poum. Comme vous connaissez. J'ai trop la prison toi. J'ai fait moi. Aïe. C'est fou. Ouais. En tout cas, si je le croiserais, je lui dirais vous avez fait tomber ça. Et je lui bravo. Et ce serait ton bécherel, je pense. Ouais. Parce que si je le croiserais. Pardon. Je peux permettre. Ça va ou quoi? Gros intello là. Ça va ou quoi? L'emmerdeur. Ah ouais, il a raison. Mais attention, il a raison. On rigole de Molière. L'emmerdeur. Il y a une pièce de boulevard, tu sais. L'emmerdeur. Et bah dis donc, c'est notre bécherel, si je peux me permettre. Bah, la moustache m'en tombe. Le Redon Bougueraba, mais qu'apprends genre. Donc je faisais alors, du foot. Donc la tôle, la tôle beaucoup. Bah, beaucoup de muscu en tôle, j'imagine. La tôle de la boxe, la tôle, t'as fait beaucoup. Ouais. Ah, l'homme soja, pas trop l'homme soja là. Ah, bah d'un coup, je suis un peu moins l'homme soja, pas du tout. J'ai le plus nul de la boxe. Mais à l'époque encore, c'était en faisait. Ouais. Ok. Ouais, j'ai fait de la boxe française quand j'étais petit, mais de la savate. Est-ce que t'avais des combis, une pièce là? J'ai pas fait assez longtemps pour avoir l'équipement. Non, mais toi surtout, t'as fait dans la rue, donc ça n'a rien à voir. Oui, non, après, oui, c'est de la bagarre de rue, mais. Oui, des combats clandestins et tout. Bien c'est sûr, ça, un schlass caché dans la main, tout ça. Rendre la justice, j'ai peur. Tout simplement. Ah oui, j'ai fait. C'est Grim, toi, tu faisais quoi? Le punisher, quoi. Alors, moi, j'ai fait 10 ans de karaté. Mais non. Ça, karaté. J'adore, mais tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai fait karaté kata. Du coup, j'ai juste fait des chorégraphies et j'ai un bon équilibre. C'est tout ce que j'ai gardé. Mais attends, t'as pris des cours que de kata? Mais en fait, pour passer ses ceintures, tu fais des katas, on est d'accord? Oui. Mais après, les cours, c'est quand même. J'avais mis dans situation combat, mais c'était vraiment pas le principal. S'il y avait un cours d'une heure, c'était vraiment 10 minutes échauffement, 30 à 40 minutes chorégraphie kata et 20 minutes de combat, quoi. Du coup, c'est pas. Si j'avais ce temps-là investi dans Kung Fu ou. Panda. Là, c'est plus hype. Ouais. Dans Panda ou dans. Box la drogue, ça. Tu serais ouais, dans la drogue actuellement, ouais. Je serais peut-être Heisenberg, tu vois. Non, ça, j'ai eu la chance sport. Bah, c'est karaté, j'ai fait longtemps, mais j'ai pu essayer plein de petits sports par-ci par-là. J'étais nul dans tous. Ouais, vraiment. Kayak. Non, kayak, ça allait. Kayak. T'as fait du kayak? Kayak. Je suis charentais. Enfin, ah. En gros, ma famille vient de Charente. Du coup, j'allais en Charente-Maritime. La Tremblade, Ronces-les-Bains, Sainte. Shout out, Fort Boyard. Comme dirait le chien de Adrien. Oui, il disait. Ouais, dans le générique du Flacon. Écoute, j'ai fait du kayak là-bas. Kayak, moi j'ai adoré. C'était pas mal. Je trouvais ça horrible, tu sais, d'être un peu dans la sorte de cuve. Oui. Et t'es un peu bloqué dedans. En plus, j'étais grand, du coup, je détestais ça. Ouais, mais j'ai bien. Comment sur 4 personnes autour de la table, il y en a 2 qui ont fait du kayak. Je peux non, pas mais moi, croire. C'était du kayak de merde dans un lac. Tu fais du kayak aussi, toi? Oui, avec l'école. Frère, moi, c'est pas prendre des choses. J'ai fait 2 fois. 10 ans, j'apprends qu'il a fait du kayak. Non, mais avec l'école. Mais il invente, comme le gentil du groupe tout à l'heure. Il dit n'importe quoi. Il aime trop. Aujourd'hui, il dit n'importe quoi. Il est galvanisé là d'avoir des jeunes. Mythomane. On le sait, t'es gentil du groupe. On le sait. Non, mais avec le kayak, c'était dans un lac, moi. Et on avait fait une activité. Souviens-toi avec toi, Adrien. Oh. On avait fait un team building à la con de Golden Moustache. Et on avait fait en Ardèche. Et ça avait été trop bien, ça. C'était pas du kayak. Moi, j'ai fait du kayak. Non, je sais pas si t'en as fait. Non, tu faisais partie de l'équipe. Peut-être tu regardais. Ah, si, c'est. Ouais, ça me revient. C'est du canoë. Canoë, voilà. Bah, ça, c'était chambé. Moi, j'aurais adoré faire ça plus. Ouais, mais dans les rapides un peu et tout, c'est pas mal. Franchement, une fois par an, c'est bien. Oui, c'est déjà beaucoup, je trouve. Ouais, moi j'ai fait deux fois, ça m'a suffi. Ouais. J'ai fait ça, j'ai fait deux semaines de natation, j'ai eu l'héritier de Philippe Lucas, c'était un connard, il était horrible. Vraiment, j'avais 12 ans, je voulais sauter, je disais j'avais peur, il avait une barre en fer, il disait saute, je plongeais en pleurant, il dit recommence, t'es nul. Genre vraiment, j'ai beaucoup d'expériences comme ça, de profs de PS ou de profs, de profs pas très bons à ça qui t'insultent un peu. Mais moi, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un coach sportif, mais je ne vois que des exemples de mecs horribles. Genre les coachs qui filment qui leurs élèves et qui le postent en story. Tu pousses bien, tu recommences, tu l'as mal fait ta pompe. Moi, il me dit ça, je fais je rentre chez moi. Sois intolérant. J'arrête de faire déjà, des pompes. Déjà, je suis venu, c'est l'effort. Je te paye, quoi, en vrai, en plus. Non, il y a la plaque qui sont pas cool. Ah, tu l'as mal faite, celle-là, ouais. Mon chèque, je l'ai bien fait, donc ferme ta gueule. Non, mais c'est. Il s'embrouille avec un homme imaginaire. Ouais, il est fou. Oh, mais uniquement. Coup, jamais été là. Uniquement avec des gens imaginaires. Les vrais hommes, oh là là. Ma bouche est fermée. Trop compliqué. Et vous pourriez organiser un événement sportif sur Twitch, c'est un truc qui. Parce que vous avez participé à des trucs, vous avez fait. Eleven All-Star. Bah voilà, Pétanque Explorer, ouais, vous avez fait tous les deux. Le GP évidemment. Maxime, on s'en souvient. Ouais, Oh là là. Gros pétanqueur ici là. Oui, pas ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Le GP. Mais le GP, attention. Attention, premier virage. On va chialer. Attention. En fait, attention, t'as eu la bonne méthode. Parce que pour moi, le GP, c'est soit t'es premier, soit tu te craches. Oui, ouais, c'est non. Ouais. Ouais. Pour moi, fallait choquer. Qui se rappelle du 17ème? Ouais, non, fallait choquer. T'as été bon sur ça, tu vois. Ouais. Même si j'ai finissé genre 7ème, bon. Voilà. Non, là, tu choques. Là premier virage, boum, allez. Non, mais c'est vrai, il y a un truc sportif que vous pourriez vous exciter sur Twitch. Non. Autre. Ah non, c'est quand je vois Billy là. Le Montagne Explorer. Oui. Alors, par contre, je vois Billy comme il est en galère. De stress, de machin pour ça. Il fait un event de boxe. Ok. Donc, à lui, Arena en plus, c'est vraiment très gros. Je suis même pas au courant. Et donc, il demande à des gens, et c'est pour ça qu'il vend aucune place, Billy, c'est que personne n'est au courant. Et, donc, achetez vos places, les gars, c'est encore dispo, s'il vous plaît. Nous, on a rempli, nous, c'est bon pour acheter pour les autres. Par pitié, le 7 décembre, allez voir, s'il vous plaît. C'est mon frérot, il en peut plus. Et en fait, tu demandes à des gens. Ouais. Tu demandes à des gens. Il a 1200 sur 30 000. Ouais, c'est 30, alors 36. Bon, après, je te follow et j'ai pas vu beaucoup de stories pour faire la promo de ton pote. T'as pas envoyé, tu vois. T'es pas très déter sur ça. Moi, j'en ai fait plus que lui déjà. C'est vraiment stressant à organiser. Disons que c'est stressant à organiser. En plus, puis la boxe, des gens. En plus, c'est la boxe, t'as le truc du. Tu te fais casser la gueule, t'as vraiment l'image de toi humilié à terre en sang. Attends, on connaît les participants du coup? Oui. Yes. Alors, les combats, c'est. Donc, Billy doit se combattre contre Greg MMA. Ah ouais, mais oui, j'ai vu ça. Jilsi contre Mastu. Pas mal. J'ai envie de voir ça. Dooms contre Catsup. Alors Dooms qui n'est pas le mec de l'entourage, le pote avec eux. C'est une youtubeuse. C'est une youtubeuse. Ouais, je suis en mode bon, ok le content, mais quand même. Voilà. Je me suis dit, c'est... moi ça m'avait un peu surpris. Il y a Bagheera Jones contre Cédric Doumbé. Contre Gradure, ok. Cyril Gane contre Squeezie. Après il y avait. Billian. Contre Brooks. Billian contre pas mal. Et on oublie. Billian, je connais pas. Prime contre le Bouzeux. Ouais, okay. Prime. Carmine Corp. J'ai. Bien sûr. Et je crois qu'on en oublie encore un. Je crois que Adrien et moi. On est la surprise de la. De l'événement. Les gens vont être comme des oufs, je pense. Le Flood Fight. Le Flood Fight. Non, nous on veut faire le Interville de. Vous l'avez un peu fait. Attends, en vrai avec voulait... le Water Crazy, mais. On voulait faire Flood Boyard. Flood Boyard, c'est ça, c'est pas Interville, c'est ça, c'est Boyard. C'est bien. Ça va coûter horriblement cher. Ouais, on le fera jamais. On le fera jamais. On n'a aucun sens de l'initiative. Nous on dit des trucs comme ça, peut-être il y a des gens avec de l'argent qui le financent pour nous. Oui. Voilà, nous on fait. On prend aucun risque. Voilà, mais bien sûr que non. Au pire, quelqu'un fera un dessin. Regardez, c'est le Flood Boyard. On se rend très content, ça nous fera très bien. Merci. Envoyez vos dessins et puis voilà. Non, événement. Mais tout à l'heure, stressant. Même quand je t'ai vu au Water Crazy, là, je pensais que ça allait être un truc à la con machin et tu sentais qu'il y avait quand même. Mais c'est quoi ça, man? Putain, j'ai tout attrapé. On avait fait un Total Wipeout. Sinon il se prend un procès, Hugo. Total Wipeout. Mais Hugo Délire. Et en Hollande, il y a un truc en mode Total Wipeout. Et du coup, on a fait ça. Et nous, on était en mode Mais tes ballons, je te les fais en 10 secondes, mon grand. On arrive sur place. Première course, je passe en premier. La nage m'a choqué. J'étais en mode, je suis pas athlétique. Vraiment, j'ai nagé, j'étais lent. Ah, quand il y a après... pas de kayak, mon pote. Là, il y a pas de casque, quoi. C'est faut sauter et tout. Et vraiment, les trucs qui tournent, ils font peur, quoi. Vraiment, la dernière. Tu sais, ces trucs en rond en mode Fall Guys. Ils font peur. T'as la grande barre qui tourne. Ah, oui, oui. Il y a un bruit de ferraille quand elle monte. Vraiment, c'est. Tu dis, elle passe, elle me coupe la cheville. Mais, c'est trop cool à faire, mais ça fait vraiment peur. Maintenant, okay. Ça serait drôle que les gens mettent ce qu'il dit, ce qu'il décrit. Et les images avec les gros boudins rouges goofy de Scooby-Doo. Non mais gros, et vraiment, ils disent que ça me coupe la jambe. Tu sais, c'est le dernier. En gros, tu as vraiment la barre qui tourne. Et je pense que t'entends pas. On me voit trembler à la cam. C'est horrible. Gros, j'ai tremblé pour les deux. Parce que même le pylône, il était tout petit, quoi. Grim déteste se faire mal. Bon, alors, comme tout le monde. Putain, c'est vrai. Mais comment tu. Mais il veut pas prendre le moindre risque de se faire même un peu mal. Même un truc. Je comprends. Il ne veut jamais casser un truc de ma vie. Ah oui, il veut vraiment pas. Ouais. Donc, ça, les trucs comme ça, c'est. Mais donc, ça explique que pas de sport, du coup. Enfin, non, pas de sport d'équipe, quoi, du coup. Non, mais en vrai. Du karaté où que... tu touches pas l'adversaire. Oui, c'est pour ça que t'as fait des katas, du coup, quoi. Non, c'est pas ça. Mais oui, par contre, c'est vrai que les trucs en mode boxe et tout, je suis en mode. Pas envie de me casser le nez. Après, pour le coup, mon nez, y a pas d'os. T'as un avantage de ouf. Donc ça pour le coup je pense que ça peut être aucune... Pas non plus Maxime je crois. Moi y a pas de dos. Y a rien dans ton nez. Y a... Non. T'es comme moi quoi. C'est un beau shield. Tu sais que les casques de boxe, parce que moi je combattais avec des casques en amateur, t'as des casques, ça dépasse vraiment pour le coup. Oui, c'est un avantage énorme, un avantage énorme pour l'adversaire. Bien sûr, évidemment. Dernière question, qu'a fait cet Américain pour ressembler à un personnage culte du Seigneur des Anneaux? Ah mais c'est marrant, on parlait du Seigneur des Anneaux. Ah, alors antenne effectivement. Il s'est coupé chirurgie pour se réduire les jambes pour être un pour Gimli. Être Gimli ouais. Non. Non, il s'est agréfé des poils aux pieds. Ouais, non. Ouais, moi je dirais il s'est fait tailler les oreilles en pointe pour être ressembler à un elfe. Alors ça fait partie des trucs qu'il a fait, mais c'est pas pour ressembler à un elfe et il a pas fait que ça. Gollum. Il s'est fait raser. Ouais, j'allais dire il s'est fait raser les sourcils, le crâne et tout pour faire Gollum. C'est pas ça. Pas pour faire Gollum, mais il y a un peu de rasage de crâne et de sourcils. Et il voulait ressembler à un... Ça va pas vous donner un vrai premier indice de savoir à qui il voulait ressembler. Alors, il voulait pas ressembler à Sauron. Non, aux Uruk-hai. Alors. Un orc. Ouais. Aux orcs. Il ressembler à des orcs. C'est donc, nul qu'est-ce en qu'il plus. A fait bah alors, il s'est taillé les dents en pointe. Oui. Il a fait de la muscu de ouf, j'imagine. Oui, sinon, c'est ridicule. Pas moi. Un gars avec mon physique et il a une tête d'orc. Tu fais des gars. Ouais. Ouais. J'aimerais beaucoup. C'était tout le monde lui dit ah oui Gollum, il fait non, non mais arrête de le bosser, c'est pas Dobby. Je suis sale. Alors tu dis je suis sale, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas chirurgie en vert, pas en vert. Alors il s'est pas il s'est fait noircir la peau. Ouais, il s'est tatoué toute la peau. Ah ok. Oh la green face. Oh le... Green Cujo. Oh mais waouh putain. Il a lancé les applaudissements et il a eu l'élégance de les arrêter. Belle blague, Adrien. Homer Simpson. Oui. C'était Homer. Trop bien. Bon, bah, du coup, on a. Bah, vous l'avez, oui, c'est ça. Ouais. Attends, les yeux trucs. Aussi, les yeux. Voilà, les oreilles, la bouche. Ouais, il a son orc. C'est fait tatouer 99% de la surface de son corps. Cela inclut également ses globes oculaires. Tu peux te faire tatouer les globes oculaires. Oui, le blanc, mais il faut le refaire régulièrement. Tu peux. T'as une photo à nous montrer ou pas? Aucune photo, tu m'entends? Eh ben, ton émission est nulle. Ouais, ça aurait été top. Voilà, ton émission est nulle. Tu lis ton Mac, on dirait. Il y a vraiment des trucs écrits ou pas? On dirait. J'improvise. Tu fais genre. Ah, tout est faux, il invente. Ah, voilà. Il s'est fait couper la langue en deux. Ah, oh. Ils sont pas du tout ça, les orques, je crois. Ouais, là, il a vraiment fait c'est un juste truc. Un truc esthétique. C'est un gothique, c'est pas. Il s'est fait greffer deux bites dans les couilles. Oui. Genre, il s'est fait refaire les seins. Tu fais, mais les gars, quel rapport? Non, juste... les orques sont comme ça dans l'œuvre originale. C'est un besoin personnel, c'est tout. Colisez Tolkien. Dans l'œuvre originale de Tolkien, c'est comme ça. Maintenant, c'est n'importe quoi. Oh, tu dis Tolkien, toi? C'est comme ça qu'on dit. Allez! Oh, la merde! Kanye West, tu veux dire Kanye? Kanye, tu parlais. Pardon, Yé maintenant. Ouais, je comprenais pas qui parlait. Par contre, oui, on dit pas Kanye, on dit Kanye. Donc, il s'est fait aussi couper le nez. Oui, bon, allez. Bah ouais, parce qu'en fait. Il est juste con, c'est. Parce qu'en fait, tu peux te retirer le nez tant que t'as les deux trous pour respirer. Hein, comment? Par rapport à mon nez, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, c'est ça? C'est ça? L'immense nez qu'il a là. Ah non, mais. Tu vas devoir couper si tu veux. Il est énorme, il est énorme. Adrien déteste les gens qui ont un gros nez. C'est vrai que t'es très tolérant sur plein de trucs. J'ai un peu un gros nez, moi. Non, un peu, non? Non, mais évidemment. Ça te dégoûte. Non, moi, je trouve c'est. Non, en vrai, pas du tout. Au contraire. Non, j'aimerais revenir là-dessus. Non, en vrai, c'est vrai que moi j'aime bien les grands nez, les nez qui ont du caractère, j'aime bien. Mais même chez les femmes, quoi. Ah oui, okay. T'aimes bien ça, joli, ça quoi. Du caractère. Oui. Oh. Bah si, dame à grand nez. Ariana Grande. Salut. Oh, C'est bientôt la fin de cette émission. Non. Mais d'abord, j'ai un deuxième jeu à vous proposer. Connaissez-vous le jeu du imite ta réponse? Attendez, attendez. On n'applaudira pas, Adrien. C'est rien à grandir. On arrête. On n'applaudira pas. On coupe. Moi, ouh là là, le grand mégala. À partir du moment où on n'a pas applaudi la bite dans les couilles, moi, j'applaudis pas ça. Les bites dans les couilles. Il continue. Merci. Donc le deuxième jeu, c'est imite ta réponse. Bien sûr. Est-ce que vous Adrien, arrête d'applaudir. Est-ce que vous connaissez le jeu du imite ta réponse? Le jeu du imite ta réponse est très rapide, très simple. Je vais vous donner des questions d'une facilité enfantine. Par exemple, qui au est hasard total, le père. Qui est le père de Bart Simpson? Ouh là là, c'est Homer. Et la réponse doit être imitée. Ok. Oh ok. Donnez la réponse, mais en faisant la voix de la réponse. De la réponse. Vu que vu qu'ici on a deux streamers qui sont autour de cette table. Oh merde. J'en ai fait une spéciale gens d'internet. Oh là là. Oh, je suis à 300 imitations. Je connais tellement. Alors que vous sachiez que c'est le principe. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est que le cerveau va plus vite que la voix. Donc des fois tu te lances parce que la réponse est évidente, mais c'est la horrible. Voix ne suit pas. Voilà. Ouais. Attention. Il a organisé le 11 All-Star. Oh frérot. C'est Inox. Non mais les gars, Carnage. Alors, oh là là. C'est Amine. Parce que personne n'a dit la réponse. Oui, c'est vous disiez Amine. Ouais. J'ai dit Amine. C'est la personne sans dire le nom. Il faut dire le nom. C'est Amine. Les gars, c'est Amine. Les gars. Les gars. Moi je vous le dis. DJ Mario, c'est fini. Je travaille plus moi avec. Ah putain, il le dit très très bien. Attention. C'est un présentateur de France 3, fan de Valorant. Et alors, c'est jamais les cadets. Pas du tout. Il parle comme ça. On dirait Jean-Michel Apathy. Ouais. Non, mais j'ai même pas fait d'accent. Valorant. Ou alors c'est. Oh, salut. Connasse. Tape ta gueule, sale gosse. Ferme ta gueule, toi. J'entends rien. Je vais te muter. Connasse. Le 4 à la suite, quel est le thème que tu prends? Ouais, il parle comme ça un peu. Oui, pour moi, c'est ça, oui. Non, mais pas mal. T'étais plus rapide. T'étais rapide. Je vous emmerde. Comment? Oulala, c'est ça. J'arrête d'applaudir. Il s'est fait connaître sur YouTube en jouant à des jeux rétro. Oh, c'est le joueur du grenier. Mais, alors. Pourquoi ils me mettent des doigts dans le Serious Anneaux? Je te dis pas de m'expliquer d'où ils viennent. C'est le moins juste. Pourquoi? C'est dans cette région là, putain. J'ai pas de soucis avec ça. T'as même pas fait l'accent. Non, mais pas. Non, mais elle est très bien. Non, mais dans ce cas là, alors, on fait quoi demain? La petite sirène? Non, c'est Bigard. C'est Bigard. C'est devenu Bigard. Il y a une propagande dans tous les films en ce moment, quoi. Très très bien. Ok, c'est bon pour moi. Pardon, Fred. Bien sûr, Fred de Sky. C'est de l'humour, ça va, putain. C'est le CEO de la K-Corp. Allez, Saken Kameto. Oui. Ouais, c'est un peu Billy aussi, ça. Il est richissime, mais a une hygiène déplorable. Eh ben, Maxime. Ah, saoul. Il y avait un piège, ça pouvait être n'importe quel streamer. Okay. Attends, hygiène déplorable. Alors, il a escaladé l'Everest. Les gars. Oh là là! Non, si elle est pas mal. Les gars, c'est Inox. Non, Inox Sarkozy là. Non, elle est bien. C'est baiser, les gars. Ouais. Baiser 24. Les gars, déconnectez les téléphones un peu. J'aime quand t'es ouf. Ah oui, vous l'étiez. Elle est bien. C'est très très bien. Et frérot, là, les Brest, les Sherpa, ils vont porter arrête, pendant une heure. Arrête ça. Mais c'est ça, il l'avait aussi. Non, j'étais sur une lancée en vrai, je crois. Non, il avait. Bon, c'était Inox du coup. Merci. Inès Bezaoui qui habite. Ah, trop con ça de dire. Il a rencontré sa femme à Danse avec les Stars. Les gars, les bijoux. Les bijoux, c'est bichou. Ah, mais toi, wesh, il en faut une vie, frère. Les bijoux, je suis à l'hôpital. C'est une vieille meneuse de revue. Ouais. Alors, mon loulou. T'es venu. Bah, en fait, c'est une danseuse, c'est Michou en fait. C'est pas le bon Michou que j'ai fait. Les baisers. Alors, file mes clopes, mon chouchou. T'as beaucoup travaillé aujourd'hui, c'est Michou. Ok. Il a inventé le Culture Clash. Mais. Oh, écoute. C'est étoile. Alors, non, mais attends, alors moi je te réponds à la question le 1000. C'est Nefertati, l'empereur d'Egypte. Nefertati. Bon, pardon, le live était un peu long, mais promis, on va se rattraper. Je suis diabétique, les gars, d'ailleurs. Étoile. Le goutte. Oh, le goutte. Oh, Samuel Etienne pour moi. Oh, le goutte. Oh, le goutte. Oh, le crame. Oh, la masterclass. Oh, le goutte. Oh, Samuel, t'es un ouf. Attention, c'est le créateur de Speedon. Et on l'appelle le vieux monsieur. Oui, ça me sert. Quoi? Pardon? Oui, pardon, c'est le mot. Moi, je l'ai un petit peu, mais ça devient Chantal là-dessous, très bien. Mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Si, si, tu l'as, si, là. C'est Chantal Latsou. Mais oui, c'est Chantal Latsou. Je crois que je l'ai. Une action vraiment terrible du joueur. Mais ça, c'est Jean-Michel Larquet. Ah non, non, mais attends, c'est qu'il fait. Mais t'as fait. Oh non, mais ma vie t'a chié. Mais ma vie, elle m'a chié. Mais qu'est-ce que c'est ma vie plus sexe? Mais qu'est-ce que c'est que ma vie plus sexe? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de ses morts? Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vois, ça devient Jean-Michel Larquet. Vous l'avez un peu. Mais c'est plus dans l'addiction, quoi. La addiction. Oui, bien sûr. On l'appelle. L'addiction au jeu vidéo. Voilà, on a ça clique. Gank. On l'appelle le French Monster. Gotaga, à la limite, il parle pas. Il parle pas. Moi, je te dis. Regarde, moi, je te dis très simple. Ouais. Antoine Daniel pour l'instant. Non les gars, M8, ouais, ouais on a pas on a fait, on a pas fait beaucoup, on a fait 8 millions cette année les gars. Non Dogby anime. Il présente Popcorn. C'est juste le boss en fait. C'est le boss en fait. Eh hey, salut à tous mais gars, attends mais attends Gigi mais t'es le goat. Attends mais t'es juste le boss d'internet en fait. Le Xar. Eh mon Xar. Attends. Non mais ça c'est le truc de mon Xar ça. J'ai fait un padel avec le Xar. Gros niveau. Non mais vraiment. Non mais attends gros niveau. On était avec le Fast. Je peux te dire que le tournoi il a pas duré longtemps. T'es juste le goat en fait. Les gars, Avamind a une chronique là, je vais vous l'envoyer. C'est juste la bosse en fait. Les gars, on a Pépé qui attend depuis une heure. Il a un petit Blackberry là, il arrive. Qui Pépé Garcias, effectivement. Oui, ton père. Si, il y a un truc. Tu vois qui c'est Pépé Garcias? Oui, bien sûr. C'est la version future de Maxime. C'est une projection de l'avenir. Pour moi, c'est évident. C'est cool. Entre nous deux, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Attention, il fait souvent de la muscu devant un drapeau français. Yeah si tu veux le tien, il est ravi de faire notre vidéo. Je sais pas pour qui j'ai voté, mais allez voter. Yeah, les amis. Pas mal. Attention. Mais le but c'était pas de chier sur tous les streamers. Hein. C'est un peu plaisant. Ça fait du bien. Ouais. Tu vois bien que Grim passe un moment, Maxime un peu moins. Il se dit, il va pas couper tout le jeu. Moi je pense à la post-prod. Oui, voilà. Voilà, c'est chiant au montage, mais on rigole. Ben ouais. Ah, c'est la fin. Oh, déjà. Non. Eh ben oui. Non. Attends, t'es en train de péter ton crâne. Oh non. Merde. C'est son crâne qui est en train. Non mais arrête. Arrête. T'es malade ou quoi? Ouais non, je suis désolé. Vous faites un happening. On a continué encore une heure là. Ok. Vous faites un happening les mecs. On a continué encore une heure là. Non. On va faire les recommandations culturelles. Tu vas pouvoir parler de cinéma en faisant des caisses, Grim. Ça va être cool. Attention. Qu'est-ce que vous avez aimé, que ce soit au cinéma, à la télévision, oui, une série, pourquoi pas, du théâtre, un bouquin, un album de musique, qui sait, une chaîne YouTube même en vrai, qu'est-ce que vous voulez? Adrien Méniel, j'ai envie de commencer avec toi. Non. Ah, tu sais quoi, Adrien, super. J'ai pas du tout envie de commencer avec toi. J'ai envie de commencer avec Maxime Biaggi. Oh là là, je vais dire le dernier film que j'ai vu. J'ai vu La French là récemment, j'ai bien aimé. La French de Cédric Jiménez. Oui, que j'avais pas vu. Et, ouais. Et je trouve. Moi j'adore Gilles Lelouch, donc voilà, oui. J'ai kiffé ce film, c'est cool. C'est un film de mafia à la française. Enfin, pas mafia, mais de gangster à la française. Oui, c'est ça. Oui, j'ai bien aimé La French. Grim Cujo. Quelque chose que vous avez aimé récemment? Marocco, Dragon Ball Super Broly. T'as kiffé? Mais j'ai vu qu'il avait très bien noté sur les Letterboxd. Je l'ai vu récemment alors qu'il est sorti il y a 6 ans, je l'ai adoré. On constate qu'il te le stocke. Hein. Il te le stocke. Je le regarde sur. Il regarde tes lives, il regarde ton Letterboxd. Bah, je l'aime bien, je l'adore. Je suis le premier français sur Letterboxd. Attention. Plus gros compte Letterboxd français. C'est vrai? Ouais. Putain. C'est un peu d'ego, sinon ça sert à rien, je pense. Non, ça reste un accomplissement vraiment pas très ouf. Une appli non utilisée en France. Oui, en plus pour des reviews nuls et dérisoires et des non, notes. Non, t'as des bonnes reviews. Il paraît que t'as des bonnes reviews, il paraît. Toi, t'as envoyé des balles quand même. Toi, normalement, en ce moment, t'as envoyé des vraies balles. J'ai envoyé des vraies balles. Bah, maintenant, il veut commencer à faire la transition vers l'actorat. Tu commences à se dire non, mais il est bien ce film. Non, le grand 1 sur 5. Pourquoi tu crois que je mets pas de notes sur Letterboxd, moi, à ton avis? Pourquoi tu crois que j'ai si peu de rôle? Non, en vrai, ma vraie reco, j'ai vu récemment. L'histoire de Souleymane, j'ai plus le réalisateur. Comment t'as fait? Non, je parlais pas à toi. Ah, qu'est-ce qu'ils ont en mode? Non, allez pas le voir. L'histoire de Souleymane qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, qui est au cinéma en ce moment. De très Boris bon film. Lushkin. Très bon film. On suit du coup ce brave Souleymane qui est un livreur Uber qui est en démarche pour avoir ses papiers, se faire titulariser en France et du coup pouvoir travailler légalement. Et on voit du coup, j'aime bien les films, tu sais, un peu terre à terre, mais qui arrivent à te faire ressentir vraiment la tension de la vraie vie. Il y avait. Je sais, le film avec Laure Calamy, tu vas dire. Voilà, à plein temps. Voilà. Mais nous on a une connexion. C'est à plein temps. Genre, à plein temps, c'était un film où vraiment, c'est une mère de famille. Tu sais, elle vit en campagne, elle va taffer à Paris. Tu sais, c'est un truc simple sur le papier. Ouais, et c'est un thriller en fait, le truc. La tension, tu sais, du truc simple, mais qui est horrible à vivre au quotidien, ça marche trop bien. Et du coup, ils l'ont très bien fait dans l'histoire de Souleymane pour un livreur Uber. Trop bien. Tu m'as donné envie de le voir. Franchement, ça m'a vraiment. Ouais. J'y vais dès demain. Parce que j'ai vu ce film il y a 2 ans. Dis-toi, j'ai préféré Souleymane à plein temps. Ok, bah tu m'as eu. J'irai franchement pas le voir parce que je vais jamais au cinéma, mais je le verrai un jour. Tu l'auras sûrement en streaming comme Nous les Leroy. Eh tiens, Nous les Leroy. Adrien Méniel. J'ai toujours rien. Ah, con là, parce qu'on avait le petit tour, t'aurais pu en prendre. Vas-y, j'ai un petit truc. Allez, régale-nous. Ah, c'est un tout petit truc. Mais tu peux quand même. C'est un podcast. Eh, c'est ta teub. Je déconne. Mais non, ah, la bite est minuscule. La bite dans la couille là. C'est pas celles qui sont dans mes couilles. C'est ta teub. C'est ta teub, c'est laquelle? Ouais, bien sûr, dans la couille. Celles qui sont dans la couille. Dans la couille. Ça marche pas. Couille. Ça prend pas. Ça prend pas. Oulala. Alors, Bidnez. Un podcast qui s'appelle Strangers on a Bench. Et c'est juste un gars, c'est un anglais. Je crois que c'est un musicien, le mec. Enfin, bref, on s'en fout. Et juste, il se balade dans les parcs en Angleterre. Et quand il voit des gens qui sont assis sur un banc, mais des gens random, quoi, il s'assoit, il dit ouais, je fais un podcast. Ça vous dit de. Je peux discuter avec vous, vous poser des questions et tout. Et juste, bah, je pense qu'il doit le faire beaucoup pour au bout d'un moment tomber sur des discussions intéressantes. Mais du coup, des fois, ça, bah, il tombe sur des gens qui ont des histoires ou des profils et tout qui sont intéressants. Du coup, c'est vraiment juste des discussions, mais bon, c'est voilà, j'ai découvert ça hier, je crois. Et comme j'ai rien d'autre. Non mais l'idée est cool. Non, mais l'idée est cool. L'idée est cool et en vrai, c'est assez, ça, c'est assez. Enfin, le premier épisode, il tombe sur un mec qui dit ouais, j'ai fait de la prison et tout. Mais non, c'est assez intéressant, quoi. Trop bien. Okay, voilà, tu l'as vendu. C'est quoi le nom? Strangers on the bench. Adrien a des bonnes recos parce que c'est toi qui m'as fait découvrir Chrono Music il y a très très longtemps. Oh, et ben ça, tu vois. Non mais c'est vrai que moi Chrono je regardais à l'époque où ils faisaient des genre vidéos. Des tutos de musique quoi. Attends mais vous connaissiez pas si tu l'as partagé. Je te parle de ça, c'était il y a vraiment très longtemps. Ouais, mais ça, tu l'as partagé et du coup t'as vu genre le retweet ou la story et du coup t'as regardé. Non, c'était dans le podcast. Ok. Marocco c'était Chrono Music effectivement il y a quelques années. Okay. Dujardin aussi c'était lui. Il avait Dujardin super acteur. Quant à moi je vous conseille un film qui s'appelle en anglais Hard Boiled mais qui n'est pas un film. Est-ce que c'est l'adaptation de la BD? Pas du tout. C'est un vieux film, moi. C'est un film des années 90. Ouais, mais c'est une vieille BD, donc ça aurait pu. Pas... C'est À toute épreuve de John Woo, que j'avais jamais vu, et on m'avait toujours dit... Mais John qui? Oh, t'es trop con. On m'avait toujours dit que c'était le, genre, le film d'action ultime et tout, que ça avait inspiré tout le cinéma américain derrière, mais j'avais la flemme. Je m'y suis mis, et bah oui, les gens ont raison. C'est vraiment complètement incroyable. C'est... Il y a une histoire mais, qui est cool, d'ailleurs, les personnages sont cool, de flics infiltrés, machin, mais... Franchement, allez-y pour voir des bêtes de scènes d'action. La première scène du film. Ah, mais c'est l'ai vu, je crois. Je l'ai vu il y a longtemps. Ah, mais c'est vraiment un film trop bien. Et... Mais c'est avec Chow Yun-fat. Exactement. Chow Yun-fat, exactement. Et Tony Leung, Chou Wai, c'est un peu le binôme. Et désolé pour la prononciation, peut-être. Et la scène, genre la première scène du film, c'est le final de n'importe quel film d'action ricain, normalement. Oui. Tu vois, ça tire de partout, les bastons, elles sont ouf et tout. Et sauf que là, c'est ça pendant 2 heures. Et il y a une scène, le dernier acte, ça dure 45 minutes dans un hôpital où juste ça mitraille. Sans s'arrêter. L'affiche elle est très connue dans les vidéoclubs. Elle était, enfin moi elle m'avait marqué quand j'étais gamin. C'est le mec avec le fusil à pompe et il a un nourrisson dans la main. Ah oui. Parce qu'en fait tout le dernier acte c'est ça vu que ça fusille dans un hôpital. Et ça a bien vieilli ça. Franchement ça a super bien vieilli je trouve. Parce que c'est hyper bien chorégraphié et tout. C'est les cadres, il y a des idées de mise en scène partout. Des colombes et j'imagine. Je crois pas justement. Des ralentis de ouf, des trucs. Max Payne. Exactement. Et donc à la fin dans le dernier acte ils doivent enlever des nourrissons. Tout en tirant avec. Bon, bref, c'est vraiment, ça en fout plein la gueule. Ça en plein voit. La vue. Ouais, j'en ai eu plein la vue. C'est une baffe. C'est vrai que c'est une baffe. Donc voilà, je vous conseille ça. Hard Boiled, c'est malheureusement sur aucune plateforme de streaming, donc faut le louer en VOD et le payer. Ou évidemment illégalement si vous êtes. Illégalement, comme j'avais fait pour Nous les Rois. Ouais. Ah, toi aussi Non, l'as pas vu, Maxime. Si, je l'ai vu pour le coup. Tu l'as vu? Illégalement, mais je l'ai vu, oui, bien sûr. C'est quoi la fin? Pas de retour, donc je me suis dit, peut-être que, vu qu'il y a eu aucun retour, donc tu l'as peut-être pas aimé en revanche. Alors, je l'ai vu, je dirais pas la fin, parce que si je dis la fin, je spoil. Bah ouais, c'est vrai, ça spoil. Donc je dis pas la fin, mais le moment avec José et Charlotte. Quand ils se disputent un petit peu, mais en même temps il y a de la tendresse. C'est vrai. Il y a de la tendresse et en même temps on se dit mais elle est touchante cette famille. Ma scène, et ça peut être moi. Ma scène. La scène. Ah, mais il n'y a pas. Y a pas, y a pas. Serveur, non, dans le bowling, la scène du bowling avec Adrien. Oui. Elle l'a inventé. C'est happening. Il n'y a pas de scène dans le bowling. T'es tombé dans tous. T'es tombé dans tous. C'est happening. C'est dingue là. Mais attends, mais il y a des caméras. Le podcast n'a jamais existé. Tout ça, cette exhibition n'existe pas. Dingue. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Merci. Ça fait 2 heures qu'on parle. Pour les gens, ça a duré 1h14. Mais ça fait 2 heures qu'on parle. Donc, Zen, évidemment, à quoi. J'allais dire à quoi ça sert. Si, parce que c'est quand même sur Twitch. Rien. Non, mais à quoi ça sert de faire la pub? De la merde. Mais si, c'est sur Twitch aussi. Vous êtes en direct sur Twitch. Nous serons en direct sur Twitch. C'est évidemment. Vrai. Donc, si vous. On peut annoncer le truc. Allez. Oui. Vous voulez, au pire je le coupe, tu oui, sais. Oui, c'est vrai. Bah, t'es en salle, non? Bah, ah putain, j'allais dire, il va annoncer quoi? Il va faire une connerie, du coup je dis oui dans le doute. Non. Ouais, ce sera donc sur Twitch à Bercy et dans des petites salles de cinéma. Ce qu'on voulait faire, c'est de dire que on voulait créer une expérience de groupe pour les gens qui sont loin et qui n'ont pas pu faire le déplacement parce que c'était trop cher, etc. Y aura du petit contenu en plus, vu que concrètement c'est gratuit de chez vous. Ouais. Donc si vous payez une place, c'est pour avoir des goodies. En mode fan zone en plus. Voilà, ouais. C'est pour le vivre avec vos potes si vous avez envie sur un grand écran avec des petits contenus en plus, etc. Trop bien. On n'a rien à y gagner, c'est juste. Si des gens ont envie d'aller en province, machin, et j'aimerais bien. Ah ouais. Il n'y a aucun enjeu, c'est juste. Non, mais c'est trop cool d'avoir fait du contenu supplémentaire pour. Ouais, pour ça. C'est juste ça, sinon t'en restais chez soi, quoi. Bah, très concrètement, on se sabote, hein, parce que c'est des gens en moins en live et les marques, elles vont dire bah, attends, il n'y a eu que ça en vue. Ouais, parce bien que sûr. S'il y a des gens qui sont. Mais en fait, c'est... je trouve que c'est plus sympa. C'est le dernier Z, de toute façon. Bah oui, c'est le dernier. Voilà. Non, moi j'ai un point que j'ai remarqué. Tu as 7 DVD de Noé Leroy. On sait que c'est ton film. Hein. Non, mais avant que vous partiez, je vous offre des DVD, je l'offre à tout le monde, c'est important. Te fais pas chier. Vous puissiez le voir dans la meilleure ça qualité ira, ça possible. Ira. Ah, mais en fait, j'ai compris pourquoi tu surveillais son Letterboxd. C'est juste pour voir la critique de Noé Leroy, quoi. Non, t'attends mais qu'il non. mette. Attends. De toute façon, je suis obligé de mettre 5 là, sinon c'est. Hein, juste avant de venir. Terracide n'a pas mis 5. Terracide n'a pas mis 5. Terracide a mis une meilleure note à Kaizen qu'à mon film. Ah, ça c'est ça. Donc vraiment, c'est resté en travers de la gorge. Bon, bah les gars, merci beaucoup. Merci Grim. À bientôt, Adrien. Semaine prochaine. Pro, sublime. Bien sûr. Merci tout le monde. Salut, salut. Ciao. Bisous. Salut, les petits. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.